Ah oui. Ma femme, elle me dit que bon, elle regrette pas de les avoir pris. Hein. Ah bon, écoutez, c'est merveilleux. Pas non plus que ça pince trop fort les doigts, parce que c'est pour mon fils, hein. Non, non, vous inquiétez pas. Franchement, c'est pas à l'âge-là. C'est du béton. Elles sont magnifiques, elles sont magiques, et vous regretterez pas. D'accord. Faut que je vous pose une question, monsieur. Vous êtes enrhumé un petit peu, non? Oui, un peu. D'accord. J'avais cru que vous étiez mis une pince au bout du nez, vous voyez, pour les essayer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que on a... Oui, mais je comprends, c'est la période. Hein. On sort, on rentre. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Est-ce que je peux prendre que les rouges et les jaunes, mais pas les vertes? J'aime pas le vert. Ah non, monsieur, là, franchement, je fais le tout, en fait, parce que vraiment, vous ne regretterez pas de les avoir. Bravo, sinon je peux les repeindre, les vertes en rouge. Non, franchement, en plus, si c'est pour votre fils, ouais, vraiment, il est de la dorure. Il adorera. 5 euros, c'est votre dernier prix, monsieur. Oui. Bien, on peut pas faire un geste. Non, non, quand même 5 euros, les 24, c'est pas non plus trop cher. Faut enlever. Hein, du... Vous êtes sûr que vous n'avez pas mis sur le bout du nez? Vous faites pas une blague, hein? Vous n'avez pas mis de personnage? Non, parce que ça me sent un peu bouché d'ici. Bon, bah écoutez, je vais vous les prendre. Ah, c'est super. Bah, voilà, super. Oh, bah non! Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai un sèche-linge. Ah. Bah ouais, du coup, c'est la merde. Ah oui, un peu la merde. Ah bah, oui! C'est-à-dire que là, si j'ai un sèche-linge, là, franchement, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu la merde. Oui, c'est beaucoup la merde. Ah bon, alors si c'est beaucoup la merde, on vous l'achète pas! À bientôt, monsieur! 17h-20h, c'est Coé sur Énergie.

Il y a plein de trucs, mais c'est pas nous, c'est le Père Noël. Évidemment, bien entendu, cela va de soi. Bien entendu. Des surprises. Évidemment, ouais. Évidemment. J'ai les enceintes connectées Amazon Echo également, mais ça c'est avec le double hit Energy DJ Snake. Si vous entendez deux sons de DJ Snake enchaînés, bah, vous savez comment ça se passe. Je vous le rappellerai évidemment. Il faudra être au taquet pour repartir avec votre enceinte. Sinon, j'ai des trottinettes également à vous offrir, trottinettes électriques qui déchirent. Amina d'ailleurs a fait l'aller-retour dans le couloir toute la soirée. Oui. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis on va accueillir également Salma qui est avec nous à Lyon. Salut Salma. Salut toute l'équipe. Comment salut ça va? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Heureusement qu'on est là, parce que je rappelle que Amina déteste Noël. C'est ma fête pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de nous écouter à 23h, qui nous découvrent. Donc Amina est un peu le Grinch de l'émission. C'est la Grinch de l'émission. Voilà, elle déteste Noël, elle déteste les fêtes, elle déteste la joie de vivre. Mais parce qu'elle soutient et elle m'a dit encore tout à l'heure, Polo, n'oublie pas que cette fête n'est pas halal. Je lui dis, écoute Amina, tu ne vas pas venir avec tes trucs, c'est une fête. Vous êtes malhonnête. Entre Polo le perfétoire et Mickaël le Grinch. Vous êtes là, vous avez vu que le champagne a déjà coulé à flot. Heureusement, Amina, Sam, tout va bien de ce côté-là. Tout va bien de ce côté-là. Vive Noël. Bon, de quoi on va parler dans un instant? Est-ce qu'elle va coucher avec Sam ou pas? Non. Pourquoi je coucherai avec Sam? Non, c'est une question. Toi, tu couches avec Sam? Pas du tout. Bah non. Je connais pas de Sam. Enfin, si, j'en connais un. Ah bah. Bon, salut Salma. Alors, de quoi on va parler dans un instant avec toi, dis-moi? Eh ben alors, en fait, je vais déménager dans la Drôme. Ouais. Enfin, c'est en cours. Et toi, arrête. C'est Noël, putain. C'est tough. Bah, vas-y, Salma, vas-y, Salma. Et donc, Salma? En fait, c'est parce que j'ai rencontré un mec il y a 2 ans et du coup, je suis toujours avec. Bah, c'est bien. Ouais, c'est plutôt cool. Ah, attends, on te coupe parce que là. Attends, une seconde, une information importante. Et voilà, Christophe qui est venu avec un pull et une chemise avec le col qui dépasse de la chemise, on dirait un premier de la classe. C'est en dimanche. Ah, c'est Noël, mec. Ah, bah ouais. Et Apollo et moi aussi, on est bien en mode de Noël. On a bien envie d'en avoir rien à foutre de Noël. Franchement, vous faites tâche, quoi. Vous avez gâché Noël. Oh là là. Ça vaut rien, c'était pareil. Non mais c'est pas ça. Attends, oui, je suis venu. On dirait un daron, tof. Mais oui, on s'est tapé, nous. Ah ouais, comme jamais, hein. Bah ouais. Ah bah ça, c'est un fait. Bon, enfin bon. Bon, et donc du coup, Salma, quoi, t'es avec un mec et tu veux pas que ça s'arrête en vue du déménagement, non, tout ça? Non, non, c'est pas ça le problème. Ah bon? C'est qu'en fait, moi, j'habite à Lyon actuellement et je compte me rapprocher de la Drôme pour pouvoir le voir plus souvent. Et attends, tu déménages pour un mec? Bah ouais. Mais toi t'es complètement barré, Salma, dans 5 mois tu vas nous rappeler. Ouais, je suis toute seule, le mec m'a viré. Mais non, je ne sais pas quoi faire dans la Drôme. Les prédictions positives de Mickaël. Non mais c'est pas ça, mais enfin il y a un moment faut avoir les... Non, tu sens l'esprit de Noël ou pas? Mais ça n'a de ouf. Ah d'accord, vous voulez l'esprit de Noël? Bah oui. C'est génial, Salma, t'as fait la meilleure. Tu sais quoi, donne-lui tout ton argent. Attends, c'est Noël. Attends, mais oui. Quel âge as-tu, Salma? Quel âge as-tu? Moi j'ai 26 ans. Ok. Bah, ils vont pas rester à distance toute leur life. Non mais je suis d'accord. Mais ça fait combien de temps que tu le connais? Le Grinch. Ça fait 2 ans que je suis avec lui. Ouais mais t'es avec lui, il est au courant? Oh putain. Bah oui, oui, non, oui, non, je suis avec lui. Tu t'es sûr qu'il est pas sécrété? Non mais enfin, je veux dire, vous voyez tous les combien de temps? Bah on se voit tous les week-ends. Oui, mais parce qu'il est enfermé dans la cave. Bon, arrête. C'est dans la Drôme, mais c'est la vérité. Bon, non, non. Bon, on rigole. Tout ça, tout ce qu'on a dit, évidemment, ce sont des textes écrits par Amina. Ouais. Bah oui, bien sûr. Juste avant l'émission, elle a dit voilà, elle va parler de ça. Je vous mets des petites punchlines. Voilà. Raison, donc tout ça, c'est dit d'Amina. Évidemment, je n'en pense pas un mot. Cela va de soi, Salma. Voilà. N'oubliez pas de parler du halal, des trucs comme ça. Et nous, on a dit Amina, ça suffit, quoi. On arrête immédiatement. Je suis très perturbé d'avoir la gueule de Toff avec le sapin de Noël sur sa tranche. Alors moi, je suis envahi parce qu'il y a Amina en face avec les lumières. Toi, c'est Noël, c'est Noël. Une crise. Oh la vache. On vous fera peut-être quelques petits lives vidéo ce soir pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Bon, Salma, reste avec nous 2 minutes. On va prendre Thierry dans un instant. Thierry. Je crois. Thierry d'Orléans. Thierry 4 grammes. Je crois. Oh putain, mais dis pas qu'à 20h08, il est déjà fini. C'est Noël. Oh la vache. Bon, et puis dans la Somme, il y a un Père Noël qui devait descendre en rappel du clocher de la basilique Notre-Dame de Verbières à Albert. Donc il a réussi l'exploit de coincer sa barbe dans le détendeur. Alors il a dû attendre les secours, forcément, qui l'ont décoincé et il a pu rejoindre le sol en toute sécurité. Oh, il est resté professionnel et a salué les enfants avant de se joindre à la parade. Ça, c'est c'est l'esprit de Noël. Bah heureusement, on aurait été en galère, t'imagines, si c'était bloqué. Confirme, évidemment, pour les cadeaux. Bah, t'auras pas de cadeaux. Bah, voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai des cadeaux pour tout le monde. Bah encore heureux. Ouais, évidemment. Incroyable. Et attention, attention, attention. Donc ils sont tous arrivés, tout a été disponible, tout est tout génial. Donc on fera ces échanges, bon on va pas le faire à minuit, mais on fera au fur et à mesure évidemment. Oui, hein. Oui. Donc voilà. Donc venez nous parler de vos galères de Noël ou de ce que vous avez passé comme bon moment à Noël. Et je vous rappelle également, bon ce soir on peut pas parce que la tradition veut qu'à minuit on s'échange les cadeaux. Mais dès demain 20h, rassurez-vous, vous allez pouvoir échanger vos cadeaux de merde contre des beaux cadeaux, puisque on va gérer quoi. Voilà, tout simplement. Sur une idée originale d'Amina. Bah voilà, exactement. Donc une idée originale d'Amina, puisque je rappelle que c'est elle qui a eu l'idée de s'échanger les cadeaux. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Et on lui a dit non, voilà. Mais faut tout. On a dit ça se fait pas trop, mais bon, bah foi, pourquoi pas. Il y a plus vraiment de règles aujourd'hui, quoi. Bon, on écoute le son de Prince Karma pour démarrer l'émission. Joyeux Noël à tous. Ah oui. Et je vous rappelle que si vous voulez parler avec nous de Noël ou de n'importe quoi d'autre, si vous êtes seul ou en famille, 01 40 71 5000. On commence avec le son de Prince Karma sur NRJ. I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. Bitches. Il n'a pas d'amis. Amina surkiffe Noël. Wow. Elle a trop d'amis, des vrais, des faux, des jeunes et des gros. Un Noël réussi. Ça se passe sur Énergie. De 20h à minuit. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Allez, on est tous les soirs sur Énergie. 01 40 71 5000 dans un instant, comme promis. Le son de Claudio Capéo. Il y aura aussi David Guetta. Il y aura Amir. Il y aura une chanson pour faire plaisir à Amina, probablement. Je sais, parce que c'était un coup monté, Mickaël. De quoi ? la chanson qui va passer. Ah, t'as été voir avec la prog ? Absolument. Ouais. Eh ben, je la mets pas. Non, bravo, t'es obligé. Alors là. Alors, tu sais quoi ? Je vais mettre une. T'aurais pu pas de terre. Je vais mettre Blink-182 et Smashing Pumpkins qui chantent Noël comme la semaine dernière. T'as pas le droit de gâcher Noël, c'est dans la prog, c'est ton travail. Mais c'est pas grave, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bah, trop tard, il y a la preuve. Non, bah, j'aurai pas le temps. Je vais parler. Là, je vais parler avec Salma pendant 2 heures parce que c'est quelque chose d'urgent, c'est important. Et donc, on n'a pas le temps. Mais tu vois, c'est toujours, tu te la ramènes. Fallait rien dire, fallait pas ce truc et à la fin lui mettre dans sa. Paf, c'est quand même pas ma en faute. En pleine gueule. Moi, je pensais qu'il allait vouloir faire un cadeau aux auditeurs et c'est à moi. Mais c'est un toi, mais toi, tu vas faire. Personne veut entendre ta musique, t'es obligé d'aller enfumer la prog. J'ai pas enfumé, j'ai supplié. Ouais, ça m'étonne pas, tiens. Enfin, je vous jure. Bon, vous bougez pas de là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir avec Salma dans un instant. On va revenir avec Hichem également pour parler du réveillon. Il y aura Thierry, il y aura Antoine. Salut toi, Antoine. Salut Antoine. Oui. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais devenir doux. Ah, tu veux devenir un doux? Je rappelle que les doux sont les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et qui n'ont pas encore mué. Donc, Polo, en tant que lutin officiel du Père Noël. Non, je suis pas un lutin. Bah, ça, c'est sur ma queue que j'ai mis ça. Oh, ma queue de cheval! Ah, de cheval, bien sûr. Ah, bah évidemment. Oui, je me suis fait une espèce de. Bien sûr. Fait des rallonges. Bien sûr, bien sûr. Bon, donc du coup, tu veux devenir un doux officiel, c'est ça? Oui. Oui. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, techniquement, j'ai. Ah, voilà, ça y est. Bon, comment t'appelles-tu? Antoine. Antoine, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel? Oui. Personne ne t'a forcé? Non. Tu es sûr? Même pas un gilet jaune ou Emmanuel Macron? Non. Bon, alors, comment il s'appelle? Antoine, moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande. Antoine, mets-toi à genoux et tape-toi sur la tête avec ton téléphone dans le respect de ta tête. Top. Bah non, mais tu vas te faire un trou dans le crâne. Un trou, là, ou quoi? Il est en train de monter en l'air, on dirait Michel. Antoine. C'est drôle, ça. Antoine, hein, bravo, les Valentins portugais. Raciste. Antoine. Oui. Insulte-toi dans le respect de ta personne, de l'humanité, de tes parents et d'Emmanuel Macron. On t'écoute. Je suis con. Stop. Antoine, tu es doux officiel. Non, mais parce que là, l'heure est un peu. Tu es officiellement doux. Bravo, félicitations, bienvenue à la grande armée des doux. Tu seras le doux. Le doux Noël. Doux Noël, voilà, le doux Noël, très bien. Je voulais dire le doux joie, mais Mickaël ne veut pas entendre quoi, parler de joie. Pourquoi tu rigoles? C'est Amina qui fait des signes. Non, pas la joie, pas la joie. Bravo le doux Noël. Armée des doux. Et ben voilà, bravo, bienvenue. Je rappelle qu'en tant que doux officiel, tu as évidemment des accès privilégiés au standard. Ouais. Si tu appelles, puisque tu es de Suisse, au 0800 83 103 6, tu passeras évidemment en priorité. Bonsoir. Antoine, le doux Noël, je te souhaite de bonnes fêtes. Je te retourne chez Amina, qui va certainement mal te parler vu qu'elle n'aime pas Noël. Mais n'importe quoi. Mais bon, ne t'inquiète pas, d'accord, Antoine. Okay. Salut à toi. Michael. Allez, à bientôt, ma gueule. Ciao à toi. Bon, vous restez là, on écoute Clou du KPO dans un instant. On se met la pub en speed, comme ça on est tranquille. Et on revient avec Salma juste après. Ne bougez pas, c'est Noël et on fait l'émission en direct sur Énergie. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Téléchargez maintenant l'appli Énergie. Toutes les stars. This is Lady Gaga. C'est DJ Snake. On NRJ. C'est David Guetta. I'm Ariana Grande. My radio is NRJ. Gratuite, sans abonnement, avec plus de 150 radios digitales. Et tous les podcasts de Manu dans le 6-9. Koé, Le Rico Show. Mickaël. Et Domingo. Énergie. It's music only. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much. You could die. Un prénom, des cadeaux, une bûche et une dinde. N'importe quoi, Jean Michetot. Noël sur Énergie, c'est avec Mickaël. Dès 20h. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L officiel. Et oui, nous sommes là, de retour. Charlie Galski. Oui, d'accord, ok. Tout débarre tout seul. Alors, je sais pas qui. Non, mais attends, c'est du sabotage. Ah, bah oui, c'est du sabotage. Le jingle est revenu deux fois, dis donc. Bon, Charlie Galski, je suis actuellement en train d'écouter. J'écouterai un peu tout à l'heure, mais je tweet quand même. Et bah écoute, quand tu veux. Vous vous emmerdez pas, vous mettez pas les parents, la famille à dos parce que vous êtes avec une oreillette en train d'écouter l'émission, hein, les gars. Même si c'est gentil. Nicolas qui dit joyeux Noël à vous, la team. J'adresse une fois de plus une énorme pensée à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus de famille ou d'amis et qui malheureusement sont seuls pour les fêtes. J'espère que grâce à toi, ils auront la possibilité de se changer les idées. Bah écoute, on est là pour ça en tout cas, quoi qu'il en soit. Voilà, que vous soyez seul ou pas, bon, on est là tranquille. Vous pouvez nous appeler aussi au 01 40 71 5000. Il y a Patricia aussi, génial. On va faire la fête en vous écoutant. Bonne fête à toute l'équipe, bisous, salut à toi. Kevin aussi, joyeux Noël à toute la team. Avez-vous le repas de Noël offert par Énergie? Eh bien oui. Oui, tout arrive. Exactement, contre toute attente. Alors bon, on m'a à demi enfumé, même si je ne me plains pas, mais on m'a dit ouais, t'inquiète pas, il y a pas de problème, on va vous faire livrer un truc. Et puis après, en dernière minute, j'ai eu un coup de fil d'un des boss qui me dit démerdez-vous, commandez-vous, on vous remboursera derrière. Donc en fait, on a du tout commandé. Moi, je pensais qu'on allait recevoir un petit plateau, tu vois. Ah ouais. Bon, mais voilà. Ça va. Mais voilà. Non, mais attends, mais voilà. Moi, je m'attendais à pire. Hein. Je pensais qu'on avait genre, tu sais, genre un ticket resto pour KFC ou un truc comme ça. Hein. Bah, ça aurait été bien. Oui, parce que toi, t'aimes bien la bouffe bizarre aussi. La bouffe bizarre. Mais c'est Noël. Moi, je respecte les animaux, les poissons. Qu'ils vivent heureux. Ouais, voilà. On embrasse tous les steaks que t'as ingurgités. Hein. Mais c'est pas un poisson. Oui, bah ouais. Bon, bah alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Estelle qui dit une photo de Toff, est-ce que c'est possible? Bah non. Bah écoute, mon téléphone a décidé que non. Hein, zut. Il ne souhaite pas prendre des photographies de Toff. Ah, oh, voilà, pour sa propre santé, bien entendu. Non, mais on va. Vous inquiétez pas, on fera des live vidéo au fur et à mesure dans l'émission quand on s'échangera les cadeaux. J'espère qu'ils vous feront plaisir. Ah bah, vu ton sourire, à mon avis, ça va être vraiment bizarre. Je les ai choisis avec soin. C'est pas vrai. Mais c'est dingue ça, c'est quand même. C'est de la merde. Mais oh là là, bah voilà. Le spécialiste ça y est. En maths économie, ça fait 3 ans qu'il économise. Mais ça n'a rien à voir avec le tarif. Non, c'est en fait, ça, non mais je rêve. Il a pris un cadeau pendant les soldes d'été, l'autre pendant Black Friday, et ça depuis des années. Oui, c'est tu ça. Vois. C'est des trucs qui nous achouravent. N'importe et là, il va me ressortir ma carte vitale. Tiens. Ouais, c'est ça. Ah, mais quel cadeau. Je vais lui offrir le cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'était quoi? Rien. Non. Enfin, je peux pas expliquer pourquoi il n'a pas de cadeau, parce qu'il est. Bon, bref. Voilà. Vive Noël, hein. Bon, Salma, le retour. Oui. Bon, toujours là, Salma, très bien. Bon, donc toi, tu déménages de Lyon et tu déménages dans la Drôme. Mais alors, où ça dans la Drôme? À Valence. À Valence. Bon, ça va, c'est pas non plus hyper loin. Bah oui, c'est plutôt cool. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais non, mais comme tu nous appelais pour nous le dire, c'est-à-dire qu'en fait, tu nous appelais pour quoi? Pour nous demander conseil si tu devais ou pas le faire? Non, juste pour fait, le dire, je ou vous c'est pourquoi? Pour avoir les. Pour avoir. Oui. Je vais arriver à exprimer ma phrase. Mais vas-y, je t'en prie. La solidarité des auditeurs. Oh, mais t'es mal tombé, hein. Ah, bah oui, là. Je cherche à me faire des potes, en fait, sur Valence et tout ça, quoi. Ah, d'accord, ok. Je crois que tu cherchais à te faire des potes qui pourraient venir t'aider à déménager. Ça je me dis, utile, ah, écoute, c'est pas gagné. Non, quand même pas, exagère pas. Mais non, après. Mais je cherche vraiment à me faire des potes dans la Drôme. Donc, avis à toutes les. Voilà. Enfin, ceux qui habitent à Valence et dans les environs, quoi. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais, voilà. Nickel. D'accord, ok. Non, mais je t'en prie. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rencontrer Salma et en tout cas lui faire visiter, après, vous serez ou pas pote, ça, vous verrez bien. Mais si effectivement vous voulez lui faire visiter, eh ben, ça, c'est l'esprit de Noël, Amina. Tu vois, ouais. Alors que tu voulais pas prendre Salma, je dis, on la prend quand même. Ça se trouve, tu vois, c'est un truc paix, amour, solidarité, tout ça. Et donc voilà. Vous êtes insupportable de malhonnêteté, mais vraiment, quoi. C'est fou, c'est, ça, quand même. Eh bien, vive Noël, bravo. Ouais, vive Noël. Appelez-nous si vous êtes de Valence, dans la Drôme. Je suis en train de me rendre compte que cette émission de Noël, c'est exactement le vrai Noël de chez tout le monde. T'as toujours un vieux tonton aigri, un mec qui est en train de faire de la politique. Bah bravo. Tu parles de Polo. Ouais, c'est pas. Ça. Politique. Mais Polo, c'est le mec qui s'embrouille et le mec de la politique. Hein. C'est qui fait un deux en même temps. C'est lui qui veut toujours se battre après minuit, tu sais, après avoir un coup dans le nez. Ça, c'est tough, ça. Il y a que moi qui suis normal, Dieu merci. Non, t'es pas normal. Ouais. Bon, donc Salma, le message est passé en tout cas. Michael. Oui, Salma. Je peux juste passer une dédicace et te demander quelque chose, s'il te plaît. La dédicace avec plaisir, demander quelque c'est chose. Noël. Bien sûr, c'est Noël. Bah oui, avec plaisir, que puis-je pour toi, Salma? Bah, petit cadeau, je dirais pas non, quoi. Eh bah ouais, bah, moi je dirais non, par contre, hein, oh. T'inquiète pas. Super fouettard. Et sinon, je fais une dédicace à mon copain Romain que j'aime fort. Très bien. À son père et à tous ceux qui seront reconnus. Voilà. Ok, ok. Et bah, le message est passé, Salma. Je te fais des gros bisous. Et puis, t'inquiète pas, on te donnera le numéro de téléphone au fur et à mesure si des gens de Valence dans la Drôme sont intéressés et veulent éventuellement te faire deviner, te faire découvrir Valence. D'accord ? Ça marche. Salut. Je compte sur vous. À bientôt, Salma. Gros bisous à toi. Là. Salut, salut. Il y a Thierry qui t'avait. Thierry d'Orléans. Bon courage. Waouh. Ça y est, il est déjà torché. 20h26, Thierry. Comment est-ce possible? Je veux bien, quand on fait des missions de 23h à 3h, que t'appelles à 2h, que t'as fait une soirée, que t'as un verre dans le pif, bon, ok. Tous les soirs, hein. Ouais, bon. Mais enfin, je veux dire, c'est la nuit, bon. Mais là, 20h26, Thierry. Et la bière est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération. Nickel. Évidemment. N'oubliez pas de choisir votre Sam avant de prendre la route et avant de commencer votre soirée. Nickel. Oui, oh, Thierry, oh là là. Non. Oui, bon, Polo est off, on va gagner du temps. Et Polo. Voilà. Et alors? Top et Polo. Polo le bananier. Polo le bananier? Non. Oui, si tu veux. Polo, t'es un bananier? Mais non, mais il comprend rien, on sait pas ce qu'il dit. Non, mais Amina, moi je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Oui, voilà. Eh ben, faites votre vie ensemble, Thierry, je vais te remplacer Amina. Faites mais pas d'enfants, surtout, hein. Surtout pas. Amina, va dormir, Thierry, arrête la fête là. Ouais, franchement, il vaut mieux arrêter la. Si, c'est ça. Ça. Mais si, c'est quoi, ça. C'est quoi, Thierry? Polo, il veut m'enfoncer. Ah non, je ne veux pas t'enfoncer. Non, écoute, il est trop tôt. Thierry, on va te reprendre un peu plus tard. Allez, casse-toi, vas-y. On va te reprendre. À un moment donné, il faut lui parler comme ça. On va te reprendre un peu plus tard. Thierry! On va faire un fil rouge de l'état de Thierry dans toute l'émission. C'est ça. Attends, juste une question avant. Ou pas? Non, attends, Thierry, qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu passes le réveillon en famille ou pas? Non. Ah! Bah, t'es avec nous, voilà. Oui, non, mais justement, ouais. Bah, écoute. Vous, oui. Oui, bah, oui, bah, justement, on est là pour ça. Bon. Mon père m'a offert une belle montre. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Ne la revends pas pour des bouteilles, hein. Non, mais ça, c'est moi, ça. Oui, bah, justement, c'est bien pour ça que je te le dis. Non, après, il y a certains auditeurs qui n'écoutent peut-être pas forcément à 23h quand on commence là, en temps normal, qui peuvent se dire, enfin, il est quand même un peu agressif, mais parce qu'on a un vécu avec Thierry. Oui, il y a du passif. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas la première fois qu'il appelle, on le connaît, vous voyez. Donc, il a déjà fait, hein. Donc, Thierry, bon, reste avec nous 2 minutes. Oui, hein? Reste avec nous 2 minutes. On va prendre Hichem aussi dans un instant en Narbonne. Bonsoir, Hichem. Salut les gars. Salut à toi, comment vas-tu? On fait aller, hein. Eh ben oui, j'imagine. Bon, on parle de quoi dans un instant avec toi, Hichem? On parle des gens qui travaillent le 24 et le 25. Ah, hein. Ouais, ben, mec, c'est un truc de ouf. Bienvenue au club, ma gueule. Ah, oui. Hichem, je te reprends dans 2 minutes, d'accord? Vas-y, pas de problème. Ça roule, à tout de suite, Hichem. Bon, on écoute Claude Capéo maintenant. Et puis on revient juste après, on est au cœur de 30 minutes sans pub, à la cool. Les appels bienveillants, évidemment, comme d'habitude. On fait ça dans un instant et on prend Hichem juste après sur Énergie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. tiennent des armes, seules qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. Sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et t'apprends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'apprends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et j'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Y compris ce soir, hein, réveillon de Noël, bien sûr qu'on est en direct. Cherchez pas sur d'autres radios, hein, tout est en best-of, voire rien. Une fête, du bonheur, des jouets, des déco, un sapin, un père Noël, des lutins, une crèche, un prénom, des cadeaux, une bûche et une dinde. N'importe quoi, Jean Michetot là. Noël sur Énergie, c'est avec Mickaël. Dès 20h. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L officiel. Bon, alors, apparemment. Ah oui, il y a un message qui est arrivé, hein, qui va encore nous énerver, Polo, hein, pour ne pas changer. Je m'énerve pas. Fabien qui dit: comment fait Polo pour se couper les cheveux alors qu'il n'en a pas? Demande à ta mère. Arrête! Demande à ta grosse mère. Non, c'est Noël. Ta mère, elle tient le miroir derrière et moi je passe la tondeuse. Voilà, esprit de Noël un peu. Elle adore ça, Mina. J'adore. C'est comme ça que je l'ai séduite la première fois. Non, non, Mina, ça se fait pas de roter comme ça là. Mais qui a roté? C'est pas esprit de Noël du tout, non, ça. Non. Alors là. Vous avez pas honte? Et je peux plus. Est-ce qu'on peut enlever ce gros tas de merde de teuf là, avec sa gueule là, non, mais... oh là, là. Sa moustache et son espèce de chapeau qui clignote. Mais il fallait le voir tout à l'heure. Il est rentré derrière Mina, fait. Ho ho ho. Mais moi j'aime bien, franchement, on dirait vraiment, tu sais, genre le fils modèle qui arrive. Le fils maudit, ouais. Merci Amina. C'est clair. Bon, on se fait les appels bienveillants. Ah voilà. Oh, et après les premiers cadeaux. Alors qui commence? Qui offre les premiers cadeaux? Bah moi j'en ai, ils sont moches, hein, donc je peux offrir le premier. Non mais quand je dis le premier, c'est tu offres à Toff. Je t'offre à toi. Non mais toi tu offres à tout le monde. D'accord. Et après ouais. Toff il offre aux autres. D'accord, enfin, bah, je commence. Bah, Polo commence. Allez, hop, dans 10 minutes. Bon, donc 01 40 71 5000 pour nous appeler. Vous n'hésitez pas, évidemment. Et donc, nous allons faire les appels bienveillants maintenant avec Amina, selon un sondage. Là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je sais que ça va être encore de. Bon, bref, vas-y, je t'écoute. Ça n'a rien à voir. Selon un sondage. Ta mère aux gens. Oh! Non mais Amina, Amina, c'est pas esprit de Noël non plus. Non mais arrête, non, mais c'est très bien complètement starbé ou quoi. Bon, tu sais quoi, il y a pas de suite, je vais dire la vérité, c'est très bien que ce soir, il y a vraiment des gens qui vont écouter, des gens importants, genre tu sais les patrons et trucs comme ça. Tu veux que je me fasse virer ou quoi à 20h34 ah, ce soir, ça ne perd hein. Tu penses avoir une carrière encore mais... Non mais non, pas une carrière, tu mais as genre signé un pacte avec le diable. Ah oui oui. Tu juste pas être au chômage avant 2019, c'est juste ça. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oublie ta carrière hein. T'inquiète pas. Il vient de mettre le son où quelqu'un dit la maman de quelqu'un. Mais non. Mais si. Quels sont, y a franchement, Amina, c'est pas bien de dire ça. Attends, tu dis des trucs et tu fais. Ah, d'accord, donc ça veut dire que c'est open bar. En fait, on peut dire toutes les grossièretés, on va se dire. Ah, ça y est. C'est un son enregistré. Tu as entendu. Elle a mis ce son-là. C'est trop facile. Oh, ça ne se fait pas. Comment se dédouaner. Non, mais toi, t'as vraiment un problème. Amina, c'est moi, pas grave, on te soutient. Un Noël, tu vois, entre potes, machin, mais alors, en fait, vas-y, votre amitié premier prix, là, vous pouvez la garder en fait. Tu sais que. Amitié premier prix. Non, mais c'est vrai. Oh là là. Enfin. On est là pour le pèse, toi. Ouais, ouais. C'est payé double aujourd'hui. La maille. Bon bref, donc du coup, il y aurait une augmentation des conceptions d'enfants le jour de Noël, ainsi qu'un pic de fréquentation sur les sites porno. Oh là là, c'est grave. C'est le. Alors, il y a pas de lien. Le lien n'est pas précisé. Hein, entre la dinde et le dessert, il va se taper une petite. Voilà. Donc, Toff, tu vas lancer la nouvelle à tes amis. Bah allons-y. Allez hop, c'est parti. On y va. On appelle évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. On y va, c'est prêt. C'est bon. Ben oui. Ah bah, je sais pas, il est là avec son pull de premier de la classe là. C'est jamais qu'il soit pas prêt. Moi j'attends là, je suis prêt. Ouais, c'est ça. Téléphone avec Marie, c'est deux minutes. Allô. Oui, allô. Bonsoir madame. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle. Je voulais savoir ce que vous avez prévu de faire l'amour pour Noël, madame. Un quoi? Est-ce que vous allez avoir un rapport sexuel ce soir pour Noël? Allez vous faire foutre, monsieur. Bah pourquoi vous dites ça, madame? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, c'est simple, je vous demande juste si vous avez prévu d'avoir un petit rapport sexuel avec monsieur. Allez vous faire foutre, bah, monsieur. Bah, enfin, madame, pas de centre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Ouais, bah allez vous faire foutre quand même. Bon, on rappelle. Bah oui. C'est pas très esprit de Noël tout ça. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, je voulais savoir si vous aviez prévu de faire l'amour avec votre femme ce soir, monsieur. Oui, j'ai prévu. Pourquoi? Tu veux venir toi aussi? Ben non, pas du comme tout. Comme ça, je t'encule. Oh. Non, mais enfin, monsieur, c'est pas esprit de Noël de dire ça. Enfin, c'est pas non, bien. Non, mais je vais t'enculer bien. Je vais t'enculer. Allez, non, monsieur, ça non. Ça te fait enculer au PD. Hein. Non, PD, non, monsieur, ça se dit pas PD. Ça, c'est homophobe. C'est pas esprit de Noël tout ça. Non, ça, c'est pas du tout esprit de Noël. Vraiment pas. Je rappelle que nous appelions chez l'oncle d'Amina. Bon, on bruit d'écorce. On rappelle. Bah oui, quelle idée aussi. Premier appel, voyons. Vous êtes dans Je pense qu'on avait que c'est les Corses. Bah oui, j'en ai l'impression également. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Bon, dans moins d'une heure, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, évidemment, ce sont les appels bienveillants hein, que nous faisons tous les soirs quand on est là de 23h à 3h, toutes les heures en fait. Hein. Et donc bah là on va faire pareil de 20h à minuit. Et le but c'est que bah on tombe toujours sur des sondages, sur des enquêtes, etc., etc. Et puis on appelle les gens pour leur annoncer la bonne nouvelle, tout simplement. Exactement. Voilà. Donc du coup, eh bien, si vous avez des numéros de téléphone de gens sympathiques qu'on pourrait éventuellement appeler. Bah pour leur annoncer cette bonne nouvelle, n'hésitez pas évidemment à transmettre ces numéros de téléphone. C'est totalement anonyme, donc même si vous tombez sur le mec le plus même si vous connaissez un gars qui a tendance à s'énerver facilement et que vous voulez pas que ça sache que vous avez balancé le numéro, rassurez-vous, vous l'envoyez que le numéro, c'est tout ce dont on a besoin, et vous envoyez ça sur toph@energie.com. voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Retour avec Hichem qui bosse ce soir comme nous. Du coup, on aura Marie également dans un instant. Il y a Will Deal qui dit bonne soirée à toute l'équipe, et Thierry doucement. Soir, il est pas minuit encore. Bah oui. Mais je pense qu'il a pas besoin de ça. Hein. Bon, toute l'année c'est le même tarif. Anil qui nous souhaite joyeux Noël, bah pareillement. Il y a Pato aussi. Bonsoir à toute l'équipe. Joyeux Noël à tous. Toujours avec vous ce soir y compris. Merci beaucoup. Nathalie, joyeux Noël à vous. Vous êtes vraiment super d'être à la radio le soir de Noël et en direct. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis Jérôme est sur Twitter. Salut l'équipe. Salut. Joyeux Noël à vous. Amina, Mickaël, Toff et aux routiers, sauf au pull à pisse. Évidemment, je vous nique. Joyeux Noël. Écoute, joyeux Noël, évidemment. Hein. Voyons. Voilà, du calme, voyons. Bon, on écoute David Guetta, on revient après. Comme promis avec Hichem, comme promis avec vous toutes et vous tous en direct. 01 40 71 5000. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. Bougez pas, on est sur Énergie dans un instant, le son de Amir. On va récupérer Hichem, Marie, on se met la pub tranquille. On revient juste après. Restez bien là, on est en direct, même le réveillon de Noël. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Au Koweït, un homme a été arrêté lors d'un contrôle routier et le policier trouve que le conducteur a mauvaise haleine. Ouais. Mais vraiment, vraiment mauvaise haleine. Mm-hmm. Au point que le policier lui émet un PV pour ça. Ah, c'est dégueu. Ah non, ça se fait pas. Alors le mec a contesté le PV, il l'a pas payé. Ah ouais. Parce que même, non, ce n'est pas une raison. Hein. Ça doit être la honte quand même s'il y a un procès, un truc. Ouais. Et puis, tu vois, ah bah, si tu vas en prison pour ça, ouais. J'aimerais qu'une banque et toi, ben rien. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre coffret best-of des 20 éditions des Énergie Music Awards. Toutes les stars des Énergie Music Awards sont réunies sur 5 CD avec Black Eyed Peas, Sia, Justin Timberlake, Maroon 5, Lady Gaga, Avicii, Stromae, Martin Solveig, Ariana Grande. Le coffret best-of des 20 éditions des Énergie Music Awards, vendredi dans les bacs. La 4G est illimitée chez Free? Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Et... Bonne fête et joyeux Noël sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Mickaël sur Énergie, dès 20h. Allez, on est tous les soirs sur Énergie, décidément, c'est le soir de Noël, là. C'est-à-dire que maintenant, c'est la machine qui a bugué, je pense. Oh donc, Free, excusez-nous. La 4G est illimitée. Allez-y, hein, c'est moi qui régale une deuxième fois. Mais deuxième si, passage. Mais non. Mais si. Et c'est les seuls dans un forfait à 15,99€ par mois. Offre soumise à condition, réservée aux abonnés Freebox avec mobile 4G en France métropolitaine. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Mais non. Mais si. Voilà, hop. C'est pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, 01 40 71 5000, on oui. est tous les soirs sur Énergie, donc vous nous appelez, vous passez en live, hein, pas de problème. Dans un instant, Corentin, Hichem et Marie qui vont débarquer. Et puis l'échange de cadeaux que nous allons faire maintenant dès que Toff revient. Alors, où est-ce qu'il est passé je sais pas. J'ai un travail, moi, monsieur. Où est-ce qu'il est passé Passé, il est. Où est-ce qu'il est passé Passé, il est avec des gambas dans les mains, je sais pas ce qu'il Ah, d'accord, bah ouais. On fait offrir les cadeaux maintenant. Bah ouais, on va attendre juste que Toff. Non, bah attends, tant que Toff arrive, on n'est pas à 2 minutes là. Attends, je vais l'appeler gentiment. Bon, alors attends, bah oui. Merde. On dirait la mère de Toff. C'est ça. Bon, Hichem, en attendant, de Narbonne, tu vas nous. Ah, il est là. Ah, bah attends, il est là, Hichem, 2 secondes. Est-ce que le live vidéo est prêt ou il. Bah, bien sûr que non. Ah, bah d'accord, bah alors on va vraiment attendre 5 minutes comme ça, vous allez pouvoir vous connecter sur. Allez-y, faites ça. Ah bon, ça ne marche pas? Bon, très bien. Si, ça marchera, mais plus tard. Ah, bah d'accord. Bon, alors on va faire le live. Hichem, reste avec nous 2 secondes. Enfin, quoi, tu travailles, t'es pressé ou t'as 2 minutes? Attends. Alors. Bah non les gars, vu le métier que je fais, j'ai tout le temps. Ah bon alors bouge pas Hichem, je te reprends dans 2 petites secondes. Et donc on va lancer la vidéo sur Instagram ce soir, enfin ce soir, là maintenant, sur Instagram, sur M-I-K-L officiel, si vous voulez voir la vidéo live de d'émission et surtout des cadeaux qu'on s'échange, comme ça vous pouvez voir aussi. Il y en a peut-être que vous allez récupérer, allez savoir. Ah, non, Hichem, t'as reçu un cadeau pour Noël ou pas toi encore? Le droit de travailler depuis. C'est déjà pas mal. Trois semaines que je suis dans mon camion. C'est le plus beau cadeau du monde à avoir un métier. Trois semaines que t'es dans ton camion. Ah bah ouais, y a plus beau comme cadeau. Ouais, vite fait, je rentrais quelques nuits, mais je repartais aussi tôt. Ah d'accord, ok. Un beau cadeau. Enfin, c'est bien d'avoir. Après, bon, après tu bosses, c'est bien. Je dis pas que Polo il est heureux là quand je dis ça, ce enculé. Comment ça, il veut voir que je suis toi-même? Comment ça, je suis heureux de quoi? Joyeux Noël. Oh la vache, c'est mais clair. Mais tu travailles, bah c'est bon. Allez, on s'échange des cadeaux. C'est des cadeaux utiles, t'as attention. T'as pas le droit de faire de la radio en vrai, comment tu parles pour nous? La tête de la merde, toi, t'es un mec de quartier. Ah, déjà, je suis pas un mec de quartier. Déjà, comment t'es passé à énergie, la tête de la merde. Déjà, miracle. T'es un rageux et un jaloux. Deuxièmement, je fais de la radio, t'étais même pas né. Je suis le maître, radiophonique. T'as pas une voix de mec de 50 piges non plus, quand même. Oh, oui, c'est vrai. 70 ans, monsieur. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, c'est pas fils de moins vert. C'est du champ. Oh là là. Et on peut même pas en fumer, tout est filmé, Toff. Eh bah, parfait. Voilà, comme ça, on pourra montrer qu'on fait vraiment Noël. Mais il est bête, votre pote, c'est pas possible. C'est ton pote, vous voulez que ça soit le dernier Noël, la dernière émission de la vie, en fait? C'est du champagne, on s'en fout. Ça tâche pas. C'est pas vrai, c'est du champomie. C'est du champomie. En plus, c'est pas du vrai. En plus, c'est du. Oh là là là là. Un vrai champagne, madame. Appellation contrôlée. Il est con, ce mec. Bon. C'est du champomie. Non, évidemment, rassurez-vous, nous ne rentrons pas en véhicule ce soir. Non, mais on boit pas d'alcool. J'ai dit, c'est vrai pour le coup. Bon, alors c'est des cadeaux utiles. C'est des petits cadeaux. Attends, Hicham, bouge pas. Des petits cadeaux. Qui commence? Vas-y, Mickaël. Alors, attention, c'est collector. Ah ouais. Tu vas en avoir l'utilité. Attends, je mets plus de lumière pour voir. Tu vas être vénère. Non, tu vas être vénère. Tu vas être vénère. Pour être sûr qu'on voit bien. Tu vas être dégoûté, mais c'est. Tu vas voir que tu vas. Il faut quand même pour ceux qui sont connectés sur la vidéo live d'Instagram sur MIKL officiel, il faut quand même laisser à Apollo l'emballage cadeau qui est quand même extraordinaire. Ah, voilà. C'est du papier craft lissé. Voilà. Ouais, ça m'a coûté franchement, cher. Franchement, moi j'ai honte parce que j'ai fait des trucs, tu vois, c'est presque bien emballé. Bon, attention. Attention, tu me réclames ça tout le temps et à chaque fois je sais pas quoi te dire. Tu veux acheter un cœur? Tu vas voir. Il me réclame ça tout le temps. Il me dit, ouais, je sais pas, mais j'en ai pas. Et là, tu vas en avoir pour ton argent. Une conscience? Oh putain, le cadeau de merde! C'est quoi? Tu t'es surpassé parce que j'ai déjà reçu des cadeaux de merde, mais là on est quand même au summum. Ouais, mais. C'est-à-dire que l'année dernière, il m'a quand même offert des couverts en bambou. Non, mais. Là, c'est bien. Mais t'as besoin de couverts à chaque fois. Oui, non, mais d'accord, mais. Pas de couverts. Des couverts en bambou. Voilà. Et là, et en plus, il a même pas été dans une. Bon, après, je respecte la marque, c'est pas la question. Oh là mais là. Il a même pas été faire un level. Non! Il a été chez Monoprix m'acheter des cuillères jetables. Eh bah c'est bien, t'en as jamais acheté 30 cuillères à café. Pas vrai, Mina? À chaque fois, je lui offre un café. Oui, j'ai pas de touillette. La touillette, la touillette. La touillette. Bah là, il y a la touillette. Tu vas pas nous emmerder. Super. Et comme le plastique va disparaître, c'est collector. Ah ouais, génial. Je le vends bien ou pas? Franchement, pas mal. Non, mais tout le temps, tous les jours, j'ai pas de touillette. Je dis, ouais, mais je vais pas te lâcher la touillette. Non, mais c'est vrai. Et tous les jours, je te dis, j'ai pas d'oseille, tu m'en donnes pas pour autant. Hein. Ah, mais c'est comme ça t'arrange. T'as pas de touillettes, maintenant t'as des touillettes. Ah ouais, là j'ai des touillettes. Ouais. 60 touillettes. Ah, c'est. Oh, bah, là. Bon, allez, Amina chance, maintenant. Waouh, merci. C'est un beau cadeau. Alors, Amina. Alors, à moi. Amina. Alors, attends, Amina, viens par ici parce que l'on voit pas sur MIKL officiel sur Instagram. Amina a une passion, elle nous saoule avec ça. Et là, c'est un petit truc, c'est simple, mais elle va. Normalement, elle va kiffer. C'est un petit pas pour Amina, mais un grand pas pour l'humanité. Pour l'humanité. D'accord. Ouais. Okay. Bon, Hichem, tu veux pas une petite cuillère, non? C'est un truc dont je parle tout le temps. Pas besoin, moi, de sa cuillère, un cadeau de Polo, je lui remets dans la figure direct. Arrête de le chauffer. Ah, je sais. C'est pas bien. Bon, attends. C'est quoi? C'est un kit de maraboutage ou un truc comme ça, non? Ça, il y a une poupée et des petites aiguilles. C'est une carte du Maroc. Ah, mais par contre, c'est vachement bien. Tu vois quoi? C'est des moules pour faire des biscuits. Ah, j'ai eu peur. Des moules. Mais non. Je savais que ça allait t'aller kiffer. Pour faire des pâtisseries. Je voulais faire des pâtisseries. Et c'est bah pas ça, vrai. C'est utile, des scrap cooking. Oui. Et bah des voilà. Scrap cooking. Scrap cooking. Et le cadeau pour Christophe. Allons-y. Ah, moi, il est lourd. Hein. Ah, bah ouais. Rome. Non, mais il va aimer, Christophe. Ouais, enfin, un livre. Ouais, c'est un livre. Bah oui, ici. Je sais pas. Enfin, il sait lire. C'est un livre sur la Belgique, non? Mais non. J'ai voulu acheter ça, mais j'ai pensé que t'allais. Je voulais t'acheter un livre sur la Belgique. Mais j'ai eu peur que. C'est quoi? C'est un livre de plan culte. Et pas de plan cul, hein. Voilà. Les plans cultes. Voilà. Ah, voilà. Harry Potter. Voilà, je, voilà, c'est et ben, merci beaucoup, Polo. Ça me touche. Mais voilà. Et ben, voilà. Moi, je me sens lésé avec mon, mes cuillères, hein, mais quand même, mes 60 cuillères en plastique. Tous les jours, mec, 365 je jours. Je me sens un peu lésé quand même, mais tous les jours. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça coûte plus cher que le reste. Oui, oui, oui, oui. Bon, bah, Hichem. Mec, tous les jours, il me saoule avec ses cuillères. Je n'ai pas de toilettes. Eh bien, merci. Merci, Polo. Les cadeaux de Polo, il était à la farfouille, ouais, j'ai fait, il a pris tout. Non, non, non, non, non, il était chez Molop. Ferme-la, toi. Voilà, vous pouvez voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Non, je voulais juste dire à Polo que donc, j'avais dû, quand j'étais à l'école à un moment, j'avais dû refaire ce plan et j'ai raté. Donc merci Polo de me le donner comme ça. Quel plan Apocalypse Now. Apocalypse Now, ouais, donc je pourrais le réétudier. Ah bah écoute, tant mieux. Loser. Tant mieux, tant mieux. Bah, là, merci, bon, Polo. Et ben, merci Polo. On voit que ça te fait plaisir. Mais grave, regarde, moi, je Jingle Bells. Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells. Et toi, attends, à chaque fois je t'offre un truc, il est pas content, et là, c'est un truc qui va être utile. Tu vas pouvoir touiller. Je vais aller même te chercher un café, tu vas le touiller. Non, bah écoute, attends, génial. Après, bon, Hichem, donc toi tu passes le réveillon bah, à bosser, mais tu fais quoi exactement alors? Bah là, je fais du frigo moi. Ah. Ah, tu fais du frigo. Ah, bah ouais, ouais, mais bon, après, il faut bosser, mec, hein, Hichem. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Hichem? Je rappelle que sans les frigos, il n'y a pas de Noël, hein. Non, moi, j'ai appelé ouais, c'est ça. Un peu m'embrouiller avec Polo parce que j'aime bien ce genre de mec. Ah, bah oui, contrairement à déjeuner, tiens. C'est comme ton meilleur pote, sauf que t'as le droit de l'insulter, de l'envoyer chier quand tu veux. Et ouais, c'est un peu ça, ouais. Y'a pas de sous-entendu. Ouais, mais bon, c'est les cadeaux, ça, c'est bâtard, tu l'as fait quand même. T'as pris un truc à 1€ pour chacun, frère. Mais t'es sérieux, 1€ Franchement, le bouquin, et moi, y a une belle somme. Mais c'est pas la somme qui compte, c'est vrai. Ça vient du cœur. Attends, moi, j'ai fait utile. Il se plaint 365 jours sur 300. Ça fait 15 ans que je le connais. Il me prend la tête avec ses touillettes. Bah, je lui ai acheté des touillettes. Moi, en tout cas, Amina, mon truc de scrap cooking, je vais bien l'utiliser. Le scrap cooking pour faire des gâteaux. Pour manger pour tes scraps. Hey, c'est un truc à lancer ça sur internet. Bref, et donc Hichem, du coup, bah, tu passes la soirée en nous écoutant. Bah, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais voilà, comme vous êtes là, j'en ai profité. Mais j'écoutais les appels bienveillants là, tout à l'heure. Ouais. C'est de la merde. Après, j'ai calculé un truc, tu vois, c'est rigolo, tu vois. Oh non, c'est de la merde. C'est rigolo, mais en vrai, c'est le Toff, il appelle tes parents, tu croises Toff, t'es obligé de le monter en l'air. En fait. Ah bah oui, oui. Ah bah bien sûr, mais après, bah après tu sais, lui, il appelle, il pose des questions. Bon. Ah, pourtant, je l'aime bien, il fait rire, ce con. Mais c'est déjà ça. Si un jour il appelle mes parents, en fait, si je l'aime bien, je crois que je suis obligé de le mettre à la main. Ah, mais il y a des trucs qu'il appelle. Il a peur un peu, Toff, t'inquiète. Après, t'inquiète pas, parfois, effectivement, il a peur. Hein. Bon, en tout cas, Hichem, bon courage à toi. Hein. Mais toi, ouais, il est vénère. Mais non, pourquoi c'est à moi de jouer un jeu avec vous pour gagner quelque chose de gros. Eh bah, ben, je te repasse Amina, Hichem, d'accord? Y'a yes. Pas de problème, merci. Salut Hichem, ciao à toi. Merci, 40 euros, t'as acheté un bouquin. Ah, bah, je veux bien. T'as vu, il me tend le billet, puis après il le reprend. Non, mais c'est utile. Je vais te chercher un café, tu vas pouvoir touiller. Ouais, ouais, non, non, ouais. Bon, on écoute le son d'Amir. On est sur Énergie, réveillon de Noël, on est en direct. Si vous voulez nous parler, 01 40 71 5000, c'est le même numéro que d'habitude. Depuis la Suisse, 0800 83 103 6. Et puis on revient juste après, on est en direct jusqu'à minuit minimum. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi, c'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Qui fait le serveur c'est le serveur de comment on appelle ça de banquet. Oui, c'est un traiteur, il est traiteur. Un traiteur, il est traité. Voilà. C'est pas la même chose. Les décorations se sont installées sur la ville. Habillé de son vêtement d'hiver, la ville est en fête. La magie de Noël. Le bonheur d'être réunis. Profite du moment présent. Mickaël, Tof, Polo et Amina vous souhaitent de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Sur Énergie, dès 20h. Voilà, vous nous appelez au 01 40 71 5000 comme d'hab. Si vous voulez passer dans l'émission, bon bah voilà, hein, ça marche aussi depuis la Suisse, le 0800 83 1036. Il y a Emilien qui a envoyé un message. Joyeux Noël, la team Noël. Courage aux boulangers, pâtissiers qui charbonnent grave en cette période et à tous ceux qui bossent, hein, les taxis, les mecs de sécu, tout ça évidemment. La police, je vous embrasse. Et la police, non mais c'est vrai, hein, tous ceux qui bossent, qui n'ont pas le choix quoi, ou qui le font par choix, cela dit. Hein. Will Deal, pourquoi personne n'a offert le DVD de la vidéo de Samy à Amina, entre parenthèses, public averti. Elle est gratuite, donc bon, faut pas exagérer. Oui, elle est gratuite sur Jacques et Michel. Voilà. Non, il y a que la preview qui est gratuite, c'est le reste, c'est payant. Ah, parce qu'on a pas tout vu. Mais non, d'accord. C'est Jessica, joyeux Noël à toute l'équipe, vous êtes au top, merci Jess. C'est Jennifer, j'arrive avec les cadeaux, mes chouchous. Écoute, pas de problème, merci beaucoup hein, d'avance. Amandine aussi, merci de rester avec nous ce soir. Mickaël, je t'aime, merci Amandine. Et puis, la vidéo est disponible, je vais vous la mettre sur Facebook également pour ceux qui n'ont pas Insta. La vidéo des premiers échanges de cadeaux de Polo pour la team. Vous pouvez aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, Mina, qui a failli s'étouffer avec son café encore? Ça me fait rire parce vous que. Pouvez, je vois que. Avec son café, non, pardon, si je bête. Un café à bulles, ça c'est bizarre. T'es un mytho, c'est pas un café ça, je vais me filmer immédiatement avec mon café. Attends, c'est facile grosse d'avoir blague. Un verre de café et un n'importe verre de. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bref, quelle menteuse alors. C'est un très beau cadeau. Voilà, vous pouvez aller voir sur MIKL officiel sur Instagram et je vous la mets dans un instant sur Facebook également. Bon, nous allons prendre Corentin qui est avec nous. Bonsoir Corentin, Rouen, comment ça va? Ça va et toi? Joyeux Noël. Ça va bien, merci Corentin. Joyeux Noël. Alors, Corentin, dis-moi, t'appelles de Rouen dans le 76 et dis-moi, ouais. Corentin, qu'est-ce qui t'amène? Bah, je m'en qu'en fait, il y a quelques jours, je vous avais appelé parce qu'en fait, ma copine, ça faisait 4 ans que j'étais avec elle, elle m'a quitté, elle était enceinte de moi, tout ça. Rappel ouais. des faits, sa meuf l'avait quitté parce qu'elle voulait ressentir un chagrin d'amour. Exact. Et elle se barrait avec souviens. Son pote. Je me souviens et maintenant. Et ça, c'est un beau chagrin d'amour. Oh là là. Et ça, voilà. C'est un beau cadeau de Noël. Bravo. N'est-ce pas? Tu l'as remercié? Bah, j'espère. Non, mais ça, c'est bien si tu veux devenir écrivain, de ressentir ce truc. Mais si tu veux pas faire autre chose, on s'en ouais, fout. Genre de... le spleen et tout. Voilà, mais ressentir ça, on s'en tape. Ouais, c'est clair. Bah oui. Et donc, alors, Corentin? Bah donc. Quelles sont les nouvelles? Bah là, les nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, c'est Noël. Et pour Noël, j'ai trouvé une nouvelle copine. Ah bon, bah voilà, bah nickel. Sous le sapin, genre. Ouais, elle était là, elle attendait. C'est ça. Pas mal. Non, mais tu as trouvé où? Tu l'as rencontré comment? Déjà, une femme, ça se trouve pas, Mika. Ça dépend. Il y a des endroits où tu peux en trouver. Oui, c'est vrai. Non, mais tu l'as rencontré où? je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Ah d'accord, ok. Bon bah écoute, tant mieux, hein. Le principal c'est que ça ait, c'est que ça ait matché. Du coup, t'as oublié l'autre, c'est bon, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, j'ai quand même du mal à l'oublier, parce que quand même elle a un enfant de moi, mais. Oui, non, mais d'accord, là, mais tu l'oublieras. Non, mais si c'est la mère de ton enfant, de ta fille, peu importe, tu l'oublieras pas, c'est pas la question. Tu l'oublieras. Mais non. Mais c'est voilà. Après, tu t'as fait table rase, quoi. Voilà, c'est bon, t'es prêt pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Nouvelle vie, ouais. Bon, bah c'est cool, tant mieux. Eh ben écoute, joyeux Noël à toi, Corentin, content que ça soit bien fini. Bah ça se finit pas si bien que ça, parce que Corentin, là, passe un Noël un peu à chier. Il a eu quelques déboires ce week-end. Hein. Ah bon ? Ce qu'il me disait hors antenne. C'est ce que j'allais dire, parce que là, ma copine, elle va me rejoindre à l'hôpital. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que t'as fait encore ? En fait, samedi, c'était une grosse manifestation des Gilets jaunes à Rouen, et en fait, j'ai reçu une grenade de désencerclement sur la cuisse. Ah oui ? Ah oui, donc là t'es à l'hosto là. Là il t'a désencerclé. Ah bah là il t'a tout désencerclé, mec. Hein. Ah bah là t'as quitté l'endroit, hein, ça c'est un fait. Mais la bonne nouvelle c'est que là à cette heure-là aux urgences ça va. C'est à minuit, une heure que ça va être un peu. Il y aura la queue et tout ça à mon avis. Ouais. Mais là ça va, tu peux passer. Ouais, la queue vient vers minuit à peu près ça, Mina. C'est toujours vers minuit que la queue arrive. Ah, 21h t'as fait. Alors là. Non mais tu peux m'expliquer ce qu'est une grenade de désencerclement ? C'est pour désencercler. En fait, c'est une grenade que la journée. Une grenade que la gendarmerie mobile nous jette pour qu'en fait qu'on puisse s'écarter, pour d'accord. qu'on puisse se disperser. Ok, ok, ok. Bon, rentrons pas dans les détails, j'ai pas envie c'est qu'on fasse une soirée gilet jaune, je l'annonce. Non, mais on en parle assez régulièrement dans l'émission, dans l'absolu, ça ne me dérange pas, mais là c'est Noël. Voilà. Voilà. Oui. Je t'enverrai la photo sur Facebook tout à l'heure. De la cuisse ? De la cuisse ? De ma cuisse. Ah d'accord, ok. Je te sens pas obligé, vraiment, c'est Noël. Ouais, c'est pas nécessaire, hein, mais bon, si tu veux, Corentin, pas de problème. Putain, le pauvre quand même, Noël à l'hosto, c'est galère. Ah bah ouais, écoute, c'est mieux ça qu'être mort. Hein. Non, mais merci, Michel. Mais heureusement que t'étais là pour préciser, parce que. Ouais, j'ai perdu un doigt de pied, ouais, mais il vaut mieux ça qu'être mort. Jean-Michel Empathie, quoi. Non, mais c'est vrai quand même. Oh là là, ça, moi, et nous, on passe Noël, on a la gueule de Toff devant nous, là, avec ses lumières qui clignotent. Ouais, je comprends. Mais sachant que Toff, t'as le même que Amina, qui est responsable, toi ou elle ? Ah. Ni l'un ni l'autre. Ah bon, ma bah, chose. C'est le Père Noël. Ah voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Les chapeaux étaient là, on les a pris. Ah bah bien sûr. Ça s'appelle bon, du vol. Et ben bah voilà, Corentin, merci en tout cas d'avoir appelé. Tu rappelles quand tu veux, d'accord ? Puis bon courage. Pas de soucis, Mika. Ouais, salut. Salut. Et bah pareillement. Salut Corentin, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao à toi. Bon, allez hop, Mehdi dans un instant de Grenoble, hein, pas de Paris, Dieu merci. Non, non. On aura Marie aussi. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, joyeux ça va, Noël. Joyeux bon. Noël. Très bien, très joyeux bien. Noël. Marie, on va parler avec toi dans un instant, tu restes bien là ? Oui. Bon, on va jouer aussi au jeu du 2 secondes, je te reprends. Si vous voulez jouer avec nous, c'est bah, très facile. Vous nous appelez au 01 40 71 5000. Le gros crrr que vous venez d'entendre, c'est Amina qui est en train de bouffer, évidemment, hein, des petits os que notre. Traiteur. Notre traiteur, alias Toff, est en train de faire. Je vais vous faire un petit reportage photo dans un instant, là. Restez oui, connectés. Oui. Mickaël officiel, Facebook, Twitter, Insta. Pas de problème. Et en attendant, on va se faire une chanson un peu dépressive. Ah. Ah. Ma chanson ? Ah ! Alléluia ! Oh, Amina ! Gâche Noël ! Franchement, c'est une honte ! Oui, c'est une honte. quel endroit, quelle angoisse, mais quelle angoisse. On a fait une liste au Père Noël. Que Michael ne change pas. Trop de talent. Et que des qualités. Que Toff soit plus drôle, parce que là, Que Polo soit moins méchant et plus calme. Camilla est un avenir radieux. Noël, c'est avec Michael. Dès 20h. Sur Énergie. Instagram, Twitter, Facebook et Michael officiel. Exactement, tous les soirs au 01 40 71 5000, oui. Si vous venez d'arriver. Eh ben, on est là tous les soirs, hein. Donc à la cool, j'ai envie de dire. Dans un instant, le son de Avamax. Et puis on va prendre Mehdi qui est avec nous. On va jouer aussi dans un instant au jeu du 2 secondes, je te reprends. Allô Mehdi de Grenoble. Allô Mehdi. Mehdi une fois. Mehdi, pourtant, il est là. Mehdi deux fois. En même temps, il bosse, hein. Peut-être qu'il est parti sur autre chose. Bon, on va le reprendre après. Si on bosse, hein. Eh bah oui, bah, je voulais prendre Marie qui ça vient de claquer aussi. Là, je crois que le standard en fait a décidé de faire Joyeux Noël. Oh zut, on va devoir appeler la technique et déranger les gens en famille. T'imagines ? Oups. Kevin qui dit j'allais choisir Petit Papa Noël qui est pour moi la plus culte des chansons de Noël. Oui, Kevin, mais en même temps, t'as pas demandé ton avis. Hein. Oh. Joyeux Noël, Kevin. Non, mais Kevin, on va pas mettre Petit Papa. On est quand même sur énergie, Kevin. Bah ouais, voyons. Y a des limites. Bah oui, Eva qui dit bonsoir, Mickaël, je te souhaite un joyeux Noël. Merci, merci Eva. Florian aussi, joyeux Noël à vous et à Corentin. Salut. Je ne pourrai pas vous écouter ce soir, mais hâte d'écouter le podcast demain. Bon Noël à vous trois, les gars, de la night et à l'autre. L'autre, c'est qui? C'est Amina. J'imagine, à vous. Les trois gars de la night et à l'autre. Oui, j'en déduis que c'est Amina qui, visiblement, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Marie. Oui, bonsoir. On t'a récupéré, ça avait coupé, Marie. Alors. Je roule. Ah, non, bah écoute, peut-être que c'est notre standard, peut-être que c'est toi, je ne sais pas. Bref, c'est pas grave, le principal, c'est que tu sois là. Alors, Marie, raconte-nous un petit peu, là. Tu nous appelais pourquoi? Ben, en fait, je t'appelle parce que c'est un truc de ouf. Ce soir, je suis avec un ami. Et en fait, Noël en famille plus tard. Et là, ce soir, on avait envie de distribuer du chocolat chaud, des papillotes aux gens qui étaient dehors. Et ça fait trois villes qu'on c'est fait. Bien ça. Et ça fait c'est cool. Trois villes. Ouais, mais ça fait trois villes, on trouve personne. Comment ça? Ben, on va dans au bord des gares, on va dans les trottoirs, au bord des églises, on fait le tour et on trouve pas les SDF en fait. Bah, c'est qu'ils sont protégés, c'est qu'ils sont à l'endroit, au chaud peut-être, tant mieux. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont été organisés, non? Ouais, ben, en fait, je me suis renseignée au secours populaire et compagnie pour faire ça. Ils font des maraudes qu'ils appellent, mais ouais. Il faut faire une formation de trois jours et tout. Et moi, ça s'est décidé sur un coup de tête comme ça. Et du coup, ben, c'est un truc de fou. Voilà, je tourne. Donc là, je vais aller en direction d'Allo. Il y a une crèche géante, il doit y avoir du monde, il paraît que c'est peuplé, donc j'espère qu'il y aura du monde. Mais t'es passé, c'est souvent quand même. Vers les gares. Ouais. Ouais, mais je suis passé dans les gares, je suis passé. Il y a personne. Bah, c'est vrai, si tu vas distribuer du chocolat chaud dans les quartiers huppés, il y aura son de père. Hein. Ah bah oui. Ah ouais. Non mais vraiment, mais blague à part. Il y a des blague soupes, part. Tu sais, genre des soupes populaires ou des trucs comme ça, mais je pense que vers 23h, peut-être que du coup, ils peuvent pas les héberger, les gens seront dehors à ce moment-là. Voilà, je pense. Voilà, je sais pas. Donc voilà, mais c'était pour dire ça, quoi. Donc on va faire le tour, on va continuer, et puis voilà. Bah écoute, en tout cas c'est bien, c'est super de ta part de le faire. Parce qu'au final, tu vois, tu passes pas Noël, tu vois, tu fais ça pour rendre service. Et c'est ça, plutôt une belle action, Marie. Hein. C'est le partage. Exactement, oui. Exactement. Ah bah ça, Amina, c'est pas de quoi elle parle. Hein. Bon. Partage, ça. C'est attention, ça, ouais. Tu dis Amina, c'est ma copine. Attention à ce que tu vois. Dis, hein. Oui, bah ça peut être ta copine si tu veux, mais nous, je vais pas dire qu'on vit avec, mais quasi. Mais n'importe donc, quoi. Les nous, gens nous, on même. Sait qui est Amina. Non, mais, Amina, dis-leur, Amina. C'est des hommes, hein. Ils comprennent pas quand tu parles. Oh bah ça y est. Alors, sous prétexte que nous sommes des hommes, d'office, nous sommes automatiquement moins bons. Eh bien, dis donc. C'est vous êtes des mafieux, tout le monde le sait. Non, mais vous n'êtes pas équipés pour, on le sait. C'est bon. Mais oui. Qu'est-ce que tu appelles quel équipement en termes d'équipement, Polo, il a des trucs dans son sac, donc bon. Qu'est-ce que tu appelles équipement? L'équipement dans le cerveau. Bon, l'autre équipement, j'en parle pas. Ah bah ouais, toi, t'es intelligente, toi. Oh là là, joyeux Noël. On voit ça, ouais. Et Merry Christmas. Joyeux Noël, Polo. Tu veux faire un gonfle? Tu veux faire un. Tu veux faire un combat de littérature? Ça y est, ça faisait longtemps. On va faire un combat de quelque chose de tous les deux. Quand tu veux. Marie, elle va te marrer. Oula, c'est chaud là. Par contre, je couche pas avec les routières, moi. C'est... Oh là là. Oh là là. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. P-O-L-O. J'ai jamais eu du mot. P-O-L-O, t'énergie.com. Tu la laisses tranquille. Oui, c'est ça. Allez, on descend dans le sud, Polo. On vient quand t'as ta tête. Je descends tout le temps dans le sud. Je suis dans le sud. Il adore. Il est partout. Il est partout. Bon, Marie, en tout cas, bravo à toi. C'est bien de l'avoir fait. Et puis, c'est bien de le faire. Ouais. Et puis, t'hésites pas. Tu nous rappelles quand tu veux, Marie. D'accord? Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Je te fais des bisous. Joyeux Noël. Salut, joyeux Noël également. Allez, à toi. Voilà, bon, avec Avamax qui arrive aussi dans quelques instants, il y a Mehdi aussi, on va d'ailleurs jouer au jeu du 2 secondes, je te reprends dans quelques instants. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, ça va. Big up à ceux qui travaillent ce soir. Hein. Respect. Merci. Bah écoute, merci beaucoup. Et toi, tu bosses, Mehdi? Moi, je bosse. Moi, je suis chauffeur de car. Ah, d'accord, ok. Mais bah, quand c'est que tous les chauffeurs qui bossent ce soir, c'est Hicham, Mehdi, enfin il y a quand même un dénominateur commun, non? Bah quoi, ah, non, bah, toi, c'est Amina. C'est ce que je me disais, Amina. Je me dis peut-être qu'ils disent de maghrébin, c'est pas. Du coup, allez, on les met à bosser. Bon, après, ils bossent, ceux qui veulent bosser, bossent, hein, globalement. Hein. Oui, bah oui. Non, mais c'est vrai, enfin, on peut-être que personne. C'est imposé, ça dépend. Va savoir, bah, je sais pas, écoute. Ils te l'ont imposé, bah, Mehdi, ou tu t'es porté volontaire? Non, on me l'a imposé, mais bon. Comme on fait pas trop Noël, du coup, j'ai dit. Ah oui, c'est vrai, bah oui, bah alors voilà, c'est pas très grave. Ce n'est pas halal. Bah quoi, dans l'absolu, s'il fait pas Noël oui. Bah oui, bah attends, c'est pas dramatique. Non, mais bien sûr. Bien sûr que non. Et, mais t'as raison. Ça va, c'est pas trop galère. Non, tu rigoles, bah, écoute, souffle, non, on est là, c'est vrai qu'on est un peu en mode misère, hein, on est installé confortablement dans un studio. C'est le seul point négatif, c'est la tronche de Toff avec ses lumières sur son bonnet. Non, c'est dur. Voilà, dit-il en train de bouffer ses toasts qu'il était en train de faire là. Insupportable. Voilà, il n'a même pas fait des vrais toasts de Noël, des trucs classiques au thon, quelque chose, non, que des trucs dégueulasses là. Mickaël, c'est le genre de mec qui mange du pâté à Noël. Ah non, pas de pâté, je déteste ça. Je rêve. Des toasts au thon. Ben oui. C'est du saumon ou des petites des œufs de limpe. Qui a dit que c'était obligatoirement du saumon mais... ou des œufs de limpe? Non, mais tu dis du classique. C'est la norme. C'est la norme de Noël. Qu'est-ce qu'il a le j'ai de la mousse de canard si tu veux. Oh. C'est vraiment, il est venu vraiment en tant que traiteur. Ah ouais, t'as vu tout son panel là. Nous sommes sauvés. Rillettes de thon blanc. Ouais. Voilà, il a fallu que je quémande et tu pour vois, que eh, non mais c'est dingue. Et tu vois, tu vas pouvoir manger avec ta petite cuillère en plastique que je t'ai offert. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bravo. Bon, en tout cas, Mehdi, bah bon courage à toi, hein, et puis tu bosses à quelle heure là? Là, je bosse jusqu'à minuit. Ça va, jusqu'à minuit, comme nous. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, et nickel. Ben, prenez soin d'Amina. Hein. Absolument pas. Pas besoin de nous. La radio, vous l'embêtez. Donc, Mais non. Merci, Mehdi, d'être aussi lucide et juste. Mehdi, il faut que je rappelle un truc. Personne ne force Amina. Elle n'est pas attachée. Hein. Ah, si. Ah, non, si, non. Si, j'ai pas le droit de le dire, mais ah, si. Non, c'est ben, oui, c'est ça, ouais. Tu sais, on dirait qu'on la maltraite, qu'on l'a achetée dans un pays. Non, mais. Non, on s'interdit d'acheter les gens. C'est son gagne-pain, donc voilà, elle n'a pas. C'est vrai. Son gagne-pain. C'est vrai, j'ai une famille à nourrir, des enfants, tout ça. C'est pas vrai, ça se toute la nuit. Sur ce, j'ai encore de la route, moi. Je vous passe une bonne soirée, en tout cas. Non, moi, pareil. Eh ben, merci beaucoup. Et bon courage à toi, à bientôt. Bisous. Salut. À plus dans le bus. Oui, à plus dans le bus, oui, voilà, c'est ça. Salut, forcément. Ouais. Salut à toi, Mehdi. Bon, je viens de vous mettre sur Facebook également la vidéo de l'échange, des premiers échanges de cadeaux entre Polo et le reste du monde, c'est-à-dire Amina, Toff et moi-même. C'est ça. Vous pouvez aller voir ça sur MIKL officiel dans quelques instants. Le son d'Ava Max. Il y aura aussi Bad Bunny avec Drake. Et trois cafés gourmands. À en perdre la tête, on veut un dernier chabrol, un petit goût de gnoll. Allez, vous restez bien là, on est sur Énergie tous les soirs, 01 40 71 5000, on se met la pub en speed. On revient dans un instant avec les appels bienveillants et avec le jeu du 2 secondes, je te reprends, Amina. Bah oui. Ah bah oui, pour le bon point, ouais. On peut pas te porter. Je mange, mon champagne. Hein, quel mytho. On peut pas te partout. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Gagnez votre enceinte connectée avec le double hit Énergie. Hey, what's up Énergie, c'est DJ Snake. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux titres de DJ Snake à la suite. Appelez Énergie 3937. Et gagnez pour Noël votre enceinte connectée. Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps. Énergie, hit music only. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons Réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr.

M-I-K-L officiel. On écoute le son d'Amamax. On revient avec Lucas dans un instant, avec Jordan et avec Johan sur Énergie. Bon Noël et joyeux Noël à tous. Si vous venez d'arriver, bon, on est là tous les soirs, 01 40 71 5000. Bienvenue à vous, c'est Mickaël sur Énergie. On va faire la fête et s'amuser. On va vous écouter, vous aider et vous offrir plein de cadeaux. C'est cool. C'est ça l'esprit de Noël. Mickaël, Tof, Polo et Aminina sont avec vous tous les soirs, dès 20h sur Énergie. Voilà, exactement. Donc si vous voulez parler avec nous, bon, bah, vous savez comment ça marche, hein, 01 40 71 5000. Dans un instant, les appels bienveillants. Oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai ce que c'est, hein. Le principe est simple. Je termine mes toasts. C'est, oui, Tof est en train de faire ses toasts, mais Tof appelle des gens tous les soirs pour leur annoncer de bonnes nouvelles. Enfin, en tout cas. J'essaye. C'est un, oui, c'est un test, hein. Enfin, c'est un test. Il essaye d'annoncer de bonnes nouvelles. Il essaie de sauver les gens. Voilà. Exactement. Et donc, si vous connaissez des numéros de téléphone de gens qui ont tendance à s'énerver facilement. Voilà, c'est ça, c'est ce que je préfère. Pour un réveillon de Noël, bah, n'hésitez pas à transmettre ça. C'est gratuit, bien sûr, et c'est surtout anonyme. Sur le mail de Tof, donc, toph@energie.com. Charles qui dit, ça veut dire quoi, halal? Ah bah oui, mais... Alors, bah que Paul nous explique, c'est lui qui arrête pas de dire que Noël, c'est pas halal, donc t'écoute. Je vous écoute, Amina. Bah non, c'est pas halal, c'est à Paris, voilà. Oh non. Oh la gêne. Oh, est-ce qu'on peut l'assassiner? Oui. Non, pardon. Non, non, interdit, non. Mais halal, c'est comme cachère, c'est une façon de. C'est une façon c'est de faire, la, par une exemple. C'est pas cuisiner, en fait. Non. Non, t'as des trucs qui sont légaux. Dans certaines religions, t'as des trucs légaux et des trucs qui sont pas légaux, que t'as pas le droit de faire. Des trucs qui sont pas légaux. Légaux. Non, c'est pas légaux. Si, légal. Si, légal. C'est pas légal. Légal, légal. Et donc voilà, t'as pas le droit de. C'est chez les musulmans, tu n'as pas le droit de boire, par exemple, de l'alcool ou de manger du porc. Ah bon? Voilà. Ce n'est pas halal. Bah, je croyais que. Et ce n'est pas kasher parce que chez les juifs, tu n'as pas le droit de manger de porc non plus. et de mélanger, de manger de crustacés. Voilà. C'est bizarre parce que l'autre jour j'écoutais la radio, il y avait Mehdi qui disait qu'il avait bu une bière pendant le ramadan. Ouais, c'est ça. Il y a que Tof qui, lui, dans sa religion, est autorisé et incite à manger du porc et tous les déchets de nourriture. Tous les déchets, les ordures, moi je mange. C'est ça. Je mange tout. C'est vrai qui dit aussi j'écoute Énergie pendant le réveillon. Bah écoute, c'est gentil, on n'est pas là pour rien. Charlingles aussi, enfin l'écoute coup de hotte du Père Noël dans la gueule de Tof. C'est une idée. Merci, c'est très gentil. Mais écoute, avec grand plaisir, nous, si on peut rendre service. Voilà. Bon, on va donc faire dans un instant le jeu du 2 secondes, je te reprends. On va appeler des gens au hasard. On appellera au Canada pour qu'on ait plus de chances que ça décroche à cette heure-ci, vu que c'est pas encore le réveillon là-bas. Le but étant très simple, vous passez à l'antenne, vous choisissez quelqu'un dans l'équipe que vous décidez d'affronter. D'affronter, ouais. Et si vous gagnez, bah forcément, il y a des cadeaux à la clé. Le but, c'est d'avoir quelqu'un au téléphone et de dire non-stop, attends deux secondes, je te reprends. Et celui qui tient plus longtemps, qui tient le plus longtemps, gagne. Voilà, vous voulez jouer avec nous, facile, 01 40 71 5000. Et alors, attendez, je crois que je peux faire un bon cadeau de Noël à tout le monde. C'est quoi? Ah. Pour Noël, je remets tout le monde à zéro. Oh. Non, attends, j'en étais où moi? J'avais combien de victoires et de défaites? Toi, t'avais une défaite. T'avais combien de défaites, toi? Une. Et qui était en haut de l'affiche? Polo. Ah bah, je suis d'accord alors. Deux. Ah bah, je suis d'accord, on met à zéro. Non, on met pas à zéro. Joyeux Noël, Polo. Je vous emmerde. Je sais pas, on peut c'est faire de la triche, non? Est-ce qu'Amina est d'accord? Moi, je suis d'accord. Mais c'est normal. Je valide, je suis d'accord. Est-ce que Christophe est d'accord? Non, moi, je trouve que Polo devrait garder ses deux victoires. Merci, mais Christophe. Mais putain, il a peur de Polo, c'est grave. Mais non, c'est de la justice, il est juste pour une fois. J'étais à combien, moi? Toi, t'étais à une défaite. Ah ouais, non. Alors Polo doit garder ses deux victoires. Mais c'est un truc de dingue. Il a raison. Mais bon, après, l'émission, elle s'appelle Mickaël, donc c'est dans certes, le fond, certes, hein. Serge, je vous remercie, comme Amina. Mickaël est toujours juste et impartial. Tout à fait. Mais ça, c'était un bon geste de Noël. Oui, ouais, c'était un beau cadeau, c'est vrai. Voilà, mais je vous remercie au moins de le souligner. Clip plus est. Bon, on va faire un appel bienveillant, tiens, pour une fois qu'on n'est pas trop en retard. Ah. Et selon un sondage, il y aurait une augmentation des conceptions d'enfants le jour de Noël, ainsi qu'un pic de fréquentation sur les sites porno. Alors, il n'est pas si précisé, évidemment, s'il y a un lien. Non, mais Amina est en train d'enquêter. Amina enquête pour essayer de trouver le lien, mais pour l'instant sans trop de succès, quoi. Il y a quelques ans, je me suis posé une question et après un rapide calcul, je crois que j'ai été conçue à Noël. Ah bah écoute. Et c'est peut-être pour ça que j'adore Noël. Ah bah peut-être. Bah, ouais. Je suis née le 31 août, c'est pas ça? Ah, ça se tient. Ah ouais. Ah, fond, si, si, bah, moyen, si, si. Si t'es arrivé pile poil au moment, t'as été conçu pendant cette semaine-là, à peu près. Bah, je crois que je devais naître le 11 ou le 12 septembre à la base. Et je suis arrivée un peu en avance parce que je suis tout le temps en avance dans ma vie. Ah ouais. À quel moment? Bah, ma naissance, en tout cas. Bien le seul et unique moment où t'as été en avance. C'est ça. Et c'était pas dû à toi. Enfin, bon, du coup, tu vas appeler les gens, tu vas leur annoncer la bonne nouvelle, Tof? Bah oui, allons-y. Allez hop, on y va. Toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez, toph@energie.com. Allez hop, c'est parti. On écoutera Vita et Slimane juste après. Il y aura Offenbach également et 3 cafés gourmands comme promis. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez prévu de faire l'amour pour Noël. Pardon? Est-ce que vous avez prévu de faire l'amour pour Noël? De quoi? D'avoir un rapport sexuel à Noël. Je peux savoir, vous êtes qui? Tof. Je m'appelle Tof. Ouais, allez, va faire ta blague à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une blague, madame. Elle a autre chose à foutre, hein. Elle a pas le time pour Noël. Bon, on appelle. Oui, allô. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Non, mais en fait, il n'y a pas d'excuse. Au revoir. Bah oui, mais parce que ça répond pas à ma question, madame. Mais tu sais, je suis qui ou tu sais pas, je suis qui déjà? Ah non, je sais pas qui vous êtes. Eh ben voilà, bah alors le respect, vous le chiez. Bah enfin, madame, passez entre nous, ça se dit pas des choses comme ça? Non, s'il n'y a pas ça se dit très bien. J'ai rien à voir avec vous, je vous connais pas. Bah non, mais moi je vous appelais pour vous annoncer une bonne nouvelle, madame. Il n'y a pas de bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Vous avez trouvé où mon numéro? Bah je l'ai trouvé sur les pages blanches, dans l'annuaire. Ouais, tu l'as trouvé aussi sur le mur de la mosquée. Le mur de la mosquée? Ah bah ouais. Non, je vais pas à la mosquée, madame. Ah oui, ok, va faire ta blague à quelqu'un d'autre. Allez, salut. Mais c'est pas une blague, madame. Allô? Déjà, je suis pas madame, déjà. Suis mineure. Alors, laisse-moi tranquille, au revoir. Mais vous êtes mineure de quel âge? C'est pas ton problème, ok? C'est pas ton problème, j'ai quel âge. Bah si, parce que c'est important, là. Tu veux que je te passe mon père? Tu veux que je te passe mon père? Tu t'arranges avec lui, c'est mieux, non? Eh bah oui, c'est mieux, oui. Je préfère. Oui. Oui, comme ça, il va arranger le rencard pour nous deux, ça va? D'accord, bon, fais comme ça, alors. Ouais, ok. Attends, tu peux me rappeler dans 5 minutes, je te le passe. D'accord, bah, je vous rappelle, à tout de suite. Ah bah voilà, très bien. Bon, on va le rappeler dans quelques instants alors. Ah bah oui, bah très bien. Le temps que papa arrive. Et bah voilà, exactement, le temps que papa arrive. Et puis du coup, ça nous laisse le temps de s'écouter le son de Vita avec Slimane.

bien. Donc on va d'abord faire les appels bienveillants. Effectivement, enfin, je ne peux pas tout faire. Et ben voilà, la suite des appels bienveillants. Donc appel bienveillant toujours avec ce sondage où il y aurait une augmentation des conceptions d'enfants le jour de Noël. Incroyable. Alors donc il y a aussi un pic de fréquentation sur les sites porno. Donc on ne sait pas s'il y a vraiment un lien. Évidemment, on a appelé tout à l'heure une nouvelle amie de Toff, certes mineure, très charmante. Voilà, mais qui a proposé de te passer son papa. Voilà, comme voilà. Ça, on pourrait parler avec papa. Et ben voilà. Donc elle a dit d'appeler dans 5 minutes. Donc bon, on n'est pas la louche, hein, mais bon, voilà, plus ou moins quoi. Donc on y va. C'est parti. On rappelle. Lucas, Jordan et Johan. Oui, hello. Tu vas me laisser tranquille ou pas? Bah, je sais pas, vous vouliez me passer votre papa? Non, mais je vais pas te passer mon père, ça va pas ou quoi? C'était une blague. Ah bon? Bah, pourquoi? Parce que comme ça, j'aurais pu lui poser la question directement, ça aurait été plus simple. Bon, écoute. Oui. T'es qui? Toff, je m'appelle Toff. Ouais, tu t'appelles Toff, c'est ça, ouais. Bah oui, c'est ça. Tu me prends pour une conne? Bah non, je me permettrai pas, madame, enfin, pourquoi vous dites ça? Mais franchement, ça me fait pitié, franchement, ça me fait pitié. Bah enfin, dites pas ça, c'est pas gentil. Mais franchement, allez vous faire voir. Oh non, non, dites pas des choses comme ça, enfin. Bah enfin, c'est, ça se fait pas de répondre. Monsieur, oui. Monsieur, vous avez bu une ketchup? Bah non, pourquoi vous voulez que j'ai bu? Mon numéro, vous l'avez trouvé où? Dans l'annuaire, les pages blanches. Non, il n'y a pas mon numéro dans l'annuaire. Soit vous l'avez trouvé sur une annonce, soit je te connais et je sais t'es qui. Ah, bah non, on se connaît pas parce que moi je vous appelle de Paris. Non, mais oui, c'est ça, oui. Pourquoi tu m'appelles en privé alors que t'as rien à te reprocher? Bah en fait, c'est parce que maman elle a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus. Mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, allez, vous me rappelez. Allez, prends les gens pour des ânes, vas-y. Mais je me permettrai pas, enfin. C'est toi qui m'appelles depuis 2 jours en masqué alors? Ah non, pas du tout, moi je vous ai appelé que ce soir. Ah ok. Et mon numéro, tu l'as trouvé où? Eh bah sur les pages blanches, dans l'annuaire. Oui. Lol. MDR. Lol. PTDR, XPTDR. Mais non, je l'ai quand même trouvé dans l'annuaire. Bon, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, je vous entends, j'attends que vous me dites qui vous êtes. Mais Toff, j'arrête pas de vous le dire. Ah, va, quel Toff, s'il te plaît, quel Toff. Et déjà, tu m'appelles comme... C'est quoi déjà que tu veux? Bah, je voulais savoir si vous aviez prévu de faire l'amour pour Noël. Excusez-moi, monsieur, je vous dis une chose. Je suis des confessions musulmanes, ok? Oui. Je suis mineur d'âge et je ne fais pas ce genre de choses, ok? Eh ben voilà, il suffisait de le dire. Maintenant, on peut souhaiter une bonne soirée. Je comprends pas pourquoi vous faites autant de problèmes pour répondre. Allô? Oui, bah, les mineurs d'âge. Bah oui, d'accord, mais on n'a pas le temps de faire de poutou. Bah oui, je sais bien, ton rappel en speed, là, quand même. Hein. Grand, franchement, va te faire foutre et laisse-moi tranquille, ça va? Bah oui, mais on s'est pas souhaité bonne soirée, on s'est pas fait poutou. Non, y a rien à souhaiter, va te faire foutre. Au revoir. Non, enfin, c'est pas gentil, madame. Excuse-moi, parce que je pense sûrement savoir qui t'aime ça, non? Bah non, mais allô? Je pense qu'on va en rester là, c'est dommage. Ouais, hein. C'est dommage. J'ai vraiment cru qu'on allait avoir papa, mais bon, malheureusement, faux espoir. Très très mauvaise nouvelle. Bon, écoutez, c'est pas grave. On remettra le couvert dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons donc jouer aux 2 secondes. Je te reprends dans un instant. Avant cela, il y a Johan qui est avec nous. Salut Johan. Salut. Comment ça va? Hello. Ça va, je vous écoute là. Très bien. Oui, c'est ça le problème. Bah oui, bah nous aussi, hein. Nous écoute en même temps. De radio aussi. Ah bah tant mieux, Johan. Qu'est-ce qui t'amène, Johan? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oui, il y a mon éducateur des fois à l'école qui me saoule tout le temps. Pourquoi? Comment ça, il te saoule? Parce qu'il me fait toujours des réflexions quand je mets la musique forte dans le. Ah, mais c'est un éducateur! Ah oui, mais bon, Johan, il est là pour ça. C'est logique, c'est un peu même comme s'il était en train de sauter partout et tu dis, mon éducateur, je comprends, il me prend la tête à chaque fois. Bah attends, même nous, tu regarde. Suis pas les règles, Johan, mon voyons. Patron, il prend la tête. Voilà, quand on est heureux, nous, on fait de la musique, Michael, il nous interdit d'être heureux. Oui, oh bah. T'as pas le droit de te déguiser. Jamais. Oh là. Pas le droit d'être heureux, pas droit de nager dans le bonheur. Mais bien sûr, l'interdit. De nager, ouais. Mais c'est vrai, je. Oh là. Bah écoute, mais la musique moins fort, Johan, et puis comme ça, il n'y a pas de conflit. Mais un casque. D'accord. Bah oui, mais quoi, t'es avec toi? Même avec mes écouteurs, il me dit moins fort. Ouais, mais ça, c'est pour ton bien. Si tu mets la musique à fond aussi dans les écouteurs, c'est pas bon non plus. Ouais, tu mets à quel niveau? Oui. Je la mets à fond. La musique. Bah oui, mais c'est normal, Johan. Parfois dans le métro, je les vois avec les écouteurs, t'entends Christophe Maé à 50 mètres. C'est abusé. Mais ton tympan, il va péter à un moment donné. Il faut protéger tes oreilles. Il a raison, ton éducateur. Vraiment, faut faire gaffe, c'est clair. Mais bon, après, il fait ça pour ton bien, Johan, c'est pas très grave. Oui. Bon, c'est pas grave, hein? Oui. Oui, bon, très bien, Johan. Eh ben, écoute, passe une bonne fête quand même, et joyeux Noël. Ça serait possible d'avoir des logos. Des logos? Oui, comment ça, des logos? NRJ. Ah, des autocollants oui, mais ça, malheureusement, on n'a plus d'autocollants. On va en arracher. Vous avez un téléphone ou pas? Oui, moi j'en ai un, mais à gagner, non, Johan. Oui, bah, je pourrais, oui. Vous avez plus d'autocollants? Non, on n'a plus d'autocollants, malheureusement. On a des bricoles, t'inquiète, je vais regarder. Ouais, voilà. On a des cartes dédicacées par contre, elles sont arrivées. Merry Christmas, elles sont au quatrième étage. Tu crois pas? Si, si, je t'assure. Je jure. Donc, si, si, elles sont arrivées. Moi, j'y croirai quand je les verrai. Ça fait combien de temps qu'on attend? Un an et demi? Ouais, à peu près. Un an et demi, voilà. Voilà. Bon. Avoir le standard, oui, oui, je te la repasse directement, Joanne. Passe une bonne soirée, bonne fête, à bientôt, Joanne. Bisous. Salut à toi. Jordan est avec nous maintenant à Lucerie dans le 53. Bonsoir, Jojo. Ouais, salut à tout le monde. Comment ça va? Bah, ça va, ça va. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, je l'ai mis cet après-midi aussi, un petit post sur Instagram, Facebook et même Twitter d'ailleurs, M-I-K-L officiel. Quel est ton film de Noël? Je l'ai vu. Eh bah, évidemment, je me déteste. Puisque pour Amina, c'est Le Père Noël est une ordure. Comme par hasard. Voilà. Ce qui m'aurait été à ravir, puisque j'adore ce film. Oui, bah moi aussi j'aime bien. Voilà. Sauf, je suppose que c'est un film de boules. Non, alors pour Polo, c'est Bad Santa en février, hein, puisque c'est en fonction de quand vous êtes né. C'est nul. Et Toff, c'est le journal de Bridget Jones. Ah. Ça lui va bien. Parfait. Je vais chercher ma boîte de Kleenex. Et pour Michel, c'est quoi putain. Et moi, c'est, je sais pas, de Holiday Calendar. Je connais même pas. Je connais pas non plus, donc voilà. Et moi, Le Père Noël est une ordure, ça ne choque personne. Une ordure, pas une ordure. Une ordure. Voilà, une ordure. C'est ça. En quoi ça t'a choqué? Jordan, t'es né quand, toi? Moi, je suis né le 22 juin. Juin, donc toi, c'est la princesse de Chicago. Ouais, bon. Non, moi, c'est le roi Lion. Mais non, mais non, Jordan, c'est un test à la con sur Instagram. Je t'ai pas demandé ton film préféré en vrai. Donc, je te demandais comme ça pour savoir. Bah, donnez-nous, soit vous allez voir et vous nous dites, soit vous nous donnez votre mois de naissance, on vous dira quel est votre film de Noël en fonction. Très bien pour le mois de novembre, hein, le Grinch. Ah, mais j'aurais adoré. Mais normalement, mais c'est bizarre, c'est pas un sport en avril. Non, c'est pas en avril, non. Mais le Père Noël est une ordure, ça m'aurait été vraiment à ravir parce que j'adore. Mais bon, après, maman, j'ai raté l'avion en janvier. Et au mois de mai? C'est pas mal. Au mois de mai, c'est L'étrange Noël de Mr. Jack. Ouais. C'est bien ça aussi, quand même. Donc bon. Bon, Jordan, on parle de quoi dans un instant avec toi? En fait, je fête Noël tout seul, en fait, parce que j'ai ma copine qui m'a quitté il y a une semaine et demie. Ah merde. T'avais fait quoi? Joyeux Noël! Oui, bah, joyeux Noël, ouais. Ouais, merci, ouais. Qu'est-ce que t'avais fait? Pourquoi est-ce qu'elle t'a quitté? T'as fait une connerie ou pas de bol ou... Non, même pas. En fait, on est arrivé à un certain stade où en fait, on n'arrête plus à s'entendre du tout. Ah bah oui. Dès qu'on arrive, on doit se parler, on s'engueule. Et on n'arrête pas de se reprocher des choses. Donc il y a un moment, en fait, je peux comprendre qu'elle pète un plomb, quoi, qu'elle veuille quitter, quoi. Donc, Ouais. Et le truc, c'est que en fait, j'appelle juste vraiment si elle m'entend aujourd'hui et ce soir. Et si vraiment elle m'entend et lui dire que je l'aime et que en fait j'étais prêt à tout pour elle, c'est vraiment. Mais pourquoi tu lui débarques pas chez elle pour lui dire? Ça fait genre comme dans les films et tout, le soir de Noël, c'est stylé. Bah parce que là elle est dans sa famille et je veux pas casser Noël en fait. Mec, si les oncles. Les oncles, les frères, les cousins, j'imagine. Ils vont tomber dessus. Le mec. Problème, c'est que c'est très tendu. Alors, effectivement, tu pour le sortir de dingue. Effectivement, il y a une chance sur deux. Soit ça passe nickel et c'est beau, c'est Noël. Soit tu te fais dégager, c'est encore pire. Mec, tu regardes Love Actually, tu te motives bien et puis tu y vas. Moi, je suis d'accord avec Toff, pour une fois. Ou tu regardes Le Père Noël est une ordure et. Tu te motives bien et ça passe pas. Moi, franchement, je l'aurais fait. Attends un peu, tu vois, genre minuit, une heure, qu'elle a un coup dans le nez et tout. Et comme ça passera mieux, tu vois. Ah, ouais. C'est ça. Comme ça, on fait passer ça sous le coup de l'alcool. Mais non. Hey, encore un conseil, Noël. D'où le célèbre. Attendons qu'elle dorme. Voilà, bravo Mina. Ouais. Mais non, mais pour qu'elle soit plus détendue, parce que là, si tu débarques au milieu de la dinde et de la bûche, c'est bof, quoi. Tu vois. Ouais, évidemment. D'ailleurs, en parlant de attendons qu'elle dorme, j'espère que nous allons avoir un joyeux Noël de Jackie, Maxwell et compagnie. JB dans Coulême, évidemment. Et JB, bien évidemment. JB, j'espère qu'ils font un truc en famille, parce que là, ça, on peut avoir l'impression qu'il y a un million de personnes qui nous écoutent. Hein. JB, j'ai eu des nouvelles via sa mère, mais on peut pas en parler tout de suite. Ah, c'est une grosse affaire, oui. Ah oui, il est un peu tôt. Ah, ouais. Bon, d'accord, ok. Bon, Jordan, reste avec nous deux minutes. On va prendre Lucas qui veut devenir un nouveau doux. Bah, très bien. Et puis, on va jouer au jeu du 2 secondes, je te reprends. Et nous allons également déballer des cadeaux, hein, puisque cette fois-ci, c'est moi qui offre. Ah, c'est toi! C'est moi qui. Ah, bah oui, cette fois-ci, c'est moi qui offre. Donc, voilà. Polo, tout à l'heure, on a fait une vidéo. Elle est dispo encore sur Facebook et sur Instagram. M-I-K-L officiel, où il nous a offert ses cadeaux à Toff, à Polo, à Amina et moi-même. Et puis là, maintenant, je vais offrir mes cadeaux à Polo, Toff et Amina. Et donc, vous allez pouvoir suivre ça en live, évidemment, sur Facebook et Instagram. M-I-K-L officiel. Bon, On se met la pub rapidos. On revient juste après avec vous en direct. Bah, comme d'habitude, 01 40 71 5000. Il y a Offenbach qui arrive juste après ça sur Énergie. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Énergie. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, hit music only. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Hit Music Only avec Ariana Grande en concert. La superstar Ariana Grande est enfin de retour en France le 27 août à l'Accor Hotel Arena pour le Sweetener World Tour. Attention, concert complet, date supplémentaire le 28 août. Infos et réservations énergie.fr, livenation.fr et point de vente officiel. Ariana Grande en concert. Un événement énergie. Tout autour de toi, on se prépare. T'es pas si bête, t'as compris. C'est les fêtes. Les fêtes. Tu peux pas les esquiver. Tu fais semblant d'être content. C'est vrai. Bonne fête à tous. Mickaël, Tof, Polo et Amina sur Énergie dès 20h. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Allez hop là, on est en direct sur Énergie, on s'écoute le son d'Offenbach et on se fait les cadeaux de Noël dans un instant. On va récupérer Lucas, Jordan et on va se faire le 2 secondes, je te reprends sur Énergie. Bonne soirée. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Également et puis joyeux Noël. Mais où passer les fêtes? C'est compliqué. Alors on réfléchit aux meilleurs endroits. En famille, avec les amis. À la maison, dans un resto. Pour bien s'amuser et bien kiffer. Passe toutes les fêtes avec Mickaël, Tof, Polo et Amina. Sur Énergie, dès 20h. Allez, et hop là. Sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Bah oui, on est là tous les soirs, 01 40 71 5000. Eh oui, bien sûr qu'on est là. Eh oui, Merry Christmas. Oh là là. Sentez la joie dans la face. Dans la voix de Mickaël. Quoi? Bah non, joyeux Noël. En plus, il a un beau cadeau. Il a eu des petites cuillères en plastique, des touillettes. Ah oui, des touillettes. 15 ans qui me... Non, ouais, mais... non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ça fait 15 ans qu'il me réclame des touillettes. T'inquiète. Jingle. Bon, on va filmer dans un instant les cadeaux que je vais offrir à l'équipe. Ah. Eh bah oui, vous pouvez faire si vous voulez, vous allez voir. Ah oui, je suis content. Non, mais j'espère bien. Plaisir. Oh là là. Bah quoi, y a pas de mal. Ah. Bon, allez hop là. Merde, attendez, je fais de la merde. Voilà, oh non, c'est pas possible là quand même. Le traiteur peut m'amener un café s'il vous plaît, merci. M-I-K-L officiel, si vous voulez aller voir sur Instagram la vidéo live qu'on va démarrer dans quelques instants, où donc il y a les cadeaux que je vais offrir. Alors vous pouvez voir la vidéo sur Facebook et sur Instagram également. Il y a une heure, Polo a offert ses cadeaux. Oui. Pour Noël. C'est vrai, ouais. Voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est donc à mon tour. Amina, viens nous rejoindre. Bien, j'arrive. Et bien voilà, présentement également. Allez. Il y a un message de Charles qui dit: résumé de la vie du sac à merde, il bouffe, il se fait insulter et il vit dans un vater. C'est un peu ça, effectivement. Oui, Charles Ingalls aussi. Je propose que Jordan appelle sa meuf en direct à l'antenne. Oh, non, c'est Noël. Voyons. Pas de méchanceté à Noël. Bon, alors, vous pouvez donc voir maintenant sur M-I-K-L officiel, vidéo live donc, des cadeaux qu'on s'échange. Bon, toi, fais ton vater probablement. Oui, comme d'habitude. Ça, Amina a un piercing alors, en bas de. Qui veut le premier cadeau? Ah, moi Polo. Ah ouais. J'ai hâte de voir ça, moi. Je dis non, c'est un flan, tu sais. C'est pas un flan, attends, tu rigoles ou quoi là? Bon, allez, vas-y. Voilà, je me suis un peu emmerdé pour le paquet cadeau. Oh, il est beau, oh là là là là. Bon, allez. Tu lui as offert une bague de fiançailles, ah, mais ça va pas, non. On dirait un truc de bijoutier. Oui, bah, c'est de la récup, hein. Ah, la oui. John, tu vois. Quelle question, il est pas acheté un sac. Aïe, merde. Ah oui, il y a des agrafes. T'as agrafé ça. C'est un piège. Même quand tu fais un cadeau, faut que ça soit piégé, quoi. Voilà, attends. Qu'est-ce que c'est, des graines de café? Non, c'est. Un torchon? Non. Mais t'es sérieux? Ah, t-shirt. T-shirt de quoi? Quoi, c'est bon ou pas? T'es sérieux de m'offrir? C'est un t-shirt de Noël. Mais mec, bah oui, c'est un t-shirt de Noël. T'es tellement content d'avoir un fût de gueule en plastique. Attends, il déchire comme le voiture de Noël. Il est marrant, franchement, je le trouve drôle. Ah, franchement, il te va bien. Dégueulasse. Mais comment ça, il est dégueulasse? Paresseux, je suis pas un paresseux. C'est un paresseux de Noël, il est stylé. Mec, il m'a. Christophe, est-ce que le bon cadeau n'est pas beau? Eh, c'est pas l'enfume à la Mickaël? Fais voir, Michel. Regarde ça, tu t'attends à quoi, toi? Bah, je m'attendais à un parfum ou à un bijou. Ouais, moi, c'est un bijou, ouais. Ouais, bah, regarde, t'es prêt? Regarde. C'est pas une honte? Et bah franchement, le mec s'est foutu de ta gueule pour les touillettes. Attends, ouais. Tu me blâmes quoi? Franchement, je peux faire les touillettes à ça? Bah oui, mais c'est parce que pas de goût. Regarde, il râle encore, c'est dingue. En plus, je me suis coupé le doigt avec ta putain d'agrafe. Eh bah, mec, c'est demain, un piège. Demain, ce qui est bien, c'est que demain, on peut échanger les cadeaux. Bah oui, bah, exactement. Non, mais c'est vrai, mais moi, ça me dérange pas. Non, je vais le garder, un cadeau est un cadeau. Christophe, très bien, tu fais bien également. Christophe, votre cadeau. Ah, mon présent. Voilà, votre présent, il est arrivé. Bravo. Je rappelle que les cadeaux qu'on s'échange sont filmés avec plaisir. Merci pour le cadeau, Mickaël. Merci pour cette magnifique sucette, Mickaël. Vraiment, c'est très gentil. Sucre d'orge. Voilà, sucre d'orge. Sucette. Bah parce que la tienne est tombée dans la voiture. T'as vraiment été bouffonné. Hein. Voilà. C'est trop bien emballé pour être honnête à chaque fois. Mais non, pourquoi? C'est trop propre. Mais non, attends. Toi, il va kiffer. C'est quoi cette horreur? Oh, mais mec, mais pourquoi tu veux de la. Mais c'est quoi ce truc? C'est une chemise de Noël? Non, c'est une veste de costard, mec, sérieux quoi? Hey, t'as abusé! Voilà. Putain, mais ça lui va bien en plus. T'as vu? Et la cravate qui va bien. Bien sûr, mais je la mets immédiatement, un petit instant. Ah non, mais j'adore. Attends, tu veux pas mettre le t-shirt avec? Bah, avec la chemise en dessous, je pense que ça peut être pas mal. Ah, Marie, je vais être contente. Hein. Attends, j'embrasse Marie, je lui souhaite un beau joyeux Noël. Costard cravate, et vous remarquerez que j'ai l'œil, ça lui tombe, pam. Ah oui, ravi. Archi bien coupé, hein. Archi bien coupé, hein. Sur mesure, c'est hein, eux, c'est ça, ouais. Voilà, c'est magnifique, parce que je commande, c'est vrai que tout le monde ne regarde pas l'Instagram live sur Mickaël officiel. C'est un costard rouge, vert, aux couleurs du Père Noël. Avec des pains d'épices, enfin, il y a un peu de tout, des sapins. Voilà, c'est ça. Non, et vous allez voir, pour ceux qui ont la chance de regarder sur Mickaël Officiel sur Instagram et tout à l'heure, enfin dans quelques minutes sur Facebook, que Toff sait faire le nœud de papillon, le nœud de cravate sans problème. Hop là, tac, je tac, tac. Je suis sidéré. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Toff, t'aurais dû aller chez ta daronne comme ça. Hein. Elle aurait kiffé. Elle aurait kiffé. Ouais. Bah voilà. Je suis sûr qu'elle m'aurait remballé direct. Elle m'aurait dit écoute-moi bien, tu vas te rhabiller, après tu reviens. Attends, connard. T'as, t'as la classe à Dallas, non, Mina? Ah, mais moi j'adore, je suis fan. Hein. Voilà, hop là. Et voilà, il se fait aider par. Bah évidemment. Il se fait aider par Amina. Et puis voilà, la grande classe. La grande classe. Non, vraiment. On va faire une photo, évidemment, de cette tenue, bien entendu. C'est ça, là. Ouais, j'ai les cadeaux. C'est génial. Attends, c'est génial. Parfait. Mais attends, mais Toff, il est content en plus. Hein. Il y a que toi qui n'est pas content. On dirait un sapeur de Noël. Voilà, là, exactement. C'est génial, là. Et bah, franchement, je trouve que t'as la classe. Demain, et bah, voilà. Et Amina, votre présent. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu, il y a même un petit autocollant. Ouais. Des boules de Noël. Il y a deux boules. Ouais. Oh, étonnamment, je pense qu'il va y avoir un problème. Moi aussi, j'ai un sucre d'orge. Mais oui, mais c'est parce que celui de Polo est tombé dans la voiture. Mais j'irai te chercher tout à l'heure. Il doit être dans le coffre. Hey, mais je suis sidéré par cette veste de costume. Ah, non, mais c'est extraordinaire. Je te plais, Polo. Oh là là. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, Amina? Je suis sûr que tu vas kiffer en plus. De merde. Ah! Et eh bah, ben, tu sais quoi? Moi, et c'est pas le pull de ta daronne, ça? Elle aime pas les trucs comme ça? Ma mère, elle kiffe, ça la fait trop rire. Et eh bah, ben, tu sais quoi? Et eh bah, ben, ça, je le mettrai demain. Et eh bah, ben, voilà, un pull avec des guirlandes, des vraies guirlandes et des vraies boules qui font gling gling gling. J'adore! Et eh ben, moi, j'aime bien les trucs kitsch comme ça. Et vive Noël! Et eh ben, eh moi, ben, ça me fait plaisir. Merci. Et eh ben, et Merry Christmas! Oui, bon, après, t'es pas non plus dans le détail. Hein, Tu l'as acheté dans quel pays pour que ça soit écrit en inch? Tu n'as de gueule encore! Comment ça? Non, je l'ai acheté quand on était à Miami. Ouais, d'accord. J'ai vu ça pas cher chez Walmart. Il y avait une promo, c'était les 3 pour 10$. Les trucs de l'année dernière. Voilà. Ah, et bah écoute, je pense que ça devrait m'aller. Ah, merci beaucoup, Mickaël. Et bah avec plaisir, Amina. C'est gentil. Bon, la vidéo live sur Instagram est Mickaël Officiel. Je vous la poste sur. Polo est vénère. Je vous la poste Polo, sur il est outré. Facebook. Il est dans choqué. Quelques minutes, et Mickaël Officiel également. Du coup, on récupère Jordan dans un instant. On va également demain, tu peux faire, changer, mec, demain. Faire le jeu du 2 secondes, je te reprends. Mais on écoute d'abord le son de 3 cafés gourmands. Voilà. Et joyeux Noël, Polo. Joyeux Noël. Et joyeux Noël à tous. J'ai oublié ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Puis sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants. Bailleul s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage, la piste nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert-nous à boire, on a les yeux qui brillent. juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Bonne nuit à tous sur Énergie, bonne fête également, joyeux Noël si vous êtes chez vous, seul ou en famille, pourquoi pas, ou entre amis. Eh ben on est là et on passe le réveillon ensemble jusqu'à minuit en direct. Une fête, du bonheur, des jouets, des décos, un sapin, un Père Noël, des lutins, une crèche, un prénom, des cadeaux, une bûche et une dinde. N'importe quoi, Jean Michetot là. Noël sur Énergie, c'est avec Mickaël. Dès 20h et sur Facebook, Twitter et Instagram, Mickaël officiel. Bon et pour ceux qui n'ont pas la patience d'aller voir la vidéo live sur Instagram, Mickaël officiel, des cadeaux que j'ai offerts à Polo, Toff et Amina et qui la vidéo. Merci. Je vais la mettre sur Facebook également, je vais vous mettre la photo également, comme ça moi ça s'est résumé, là vous verrez la photo directe. Pareil aussi, Mickaël officiel, vous allez voir la classe à Dallas. Ah ouais, ouais. Extraordinaire. Ah ouais, ouais. Enfin, non mais là franchement je suis assez fier de moi hein. Ah oui, oui, il y a de quoi. Franchement, non, mais c'est bien. Et vous verrez, express, je pense que le plus voyant étant le costume que j'ai offert à Toff. Ah oui, c'est spectaculaire. Mais ça lui va bien, étonnamment. Hugo Merde. Mais je vous rappelle que c'est Karl Lagerhoff. Ah bah là, on le voit bien, ça c'est... Ah bah là, on dirait mieux ses sandales là. Ah bah là, là on voit bien, là on voit bien. Bon, nous allons, avant de prendre Jordan le retour, et avant de prendre Lucas qui veut devenir doux, faire le jeu du 2 secondes, je te reprends. Et nous allons donc prendre Rouslan qui est avec nous. Salut Rouslan. Ah c'est le doux drôle. Yes. Oui, bah oui. Ça va gros? Bah ouais, tranquille. Bah nickel. Alors, le doux drôle, tu veux donc faire le jeu du 2 secondes, je te reprends. Ouais. Très bien. Ouais. Alors, juste une question d'abord. Qu'est-ce que tu fais pour le soir de le réveillon? Tu fais rien? Tu fais chier avec la famille? Du coup, tu nous appelles? C'est quoi l'histoire? On va dire que je me fais chier avec la famille. Ah bah oui, oui. Bah, ah oui. Bah moi, c'est pareil, sauf que c'est pas ma famille. Bah il y en a beaucoup. Non, c'est parce qu'elle se fait chier avec sa famille, c'est pour ça qu'elle a voulu venir bosser avec nous. C'est ça. Voilà, c'est sa moulette. Si elle nous écoute, on l'embrasse. N'importe quoi, j'ai fait mon pré-Noël hier, c'est très bien. J'embrasse. Pré-Noël. Pré-Noël. Et tu fais l'after ou pas? Mais c'est vrai, j'ai un after tout à l'heure. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas. Bon, tu vas avec mon pull, j'espère. Évidemment, quelle question. Chance. Me voilà rassuré. Bon, alors, le doux drôle, on va donc faire le jeu du 2 secondes, je te reprends. Tu veux donc tenter d'affronter qui? Amina pour le je t'emmerde. Amina, oui, sauf que c'est pas le jeu du je t'emmerde, c'est le 2 secondes, je te reprends, doux drôle. Oui, je sais, mais c'est pour enfumer Amina. Ah oui, d'accord, ok, pour essayer de l'envoyer dans le mur. Ah, bah, mais je te rassure, le doux drôle, elle n'a pas besoin de toi pour ça. Hein. Elle y arrive très bien seule de se tromper de jeu. Comment tu dis, doux drôle? Bien sûr. Non, ouais, je comprends rien. Enlève ton petit mali pour le haut-parleur, le doux drôle. T'es pas contre Amina? Ah oui, non, mais je sais bien, je sais bien. Bon, le doux drôle, on va donc y aller. Tu commences ou Amina démarre? Amina démarre. Très bien, donc je rappelle le principe. Il faut, vous allez appeler chacun votre tour des gens au hasard. On appelle au Canada pour que ça décroche peut-être plus facilement. Hein. Et donc, le but, c'est dès que la personne décroche, c'est dire attends 2 secondes, je te reprends. Oui, allô? Ah oui, attends 2 secondes, je te reprends. Et ainsi de suite. Et tenir la personne le plus longtemps possible. En tout cas, plus longtemps que, en l'occurrence, ta concurrente, c'est-à-dire Amina, de drôle, d'accord? Ça marche. Est-ce qu'on a réuni mes victoires à zéro? Oui, tout est à zéro, là. Ah, parfait. Tout est défaite. Zéro défaite, zéro victoire. C'était zéro défaite. Oui. Et Merry Christmas. C'est vrai. Allez, hop, on y va. Le doux drôle, je te mets de côté. C'est parti. Et pendant cette semaine exceptionnelle, tous vos doubles. Ah bon? Victoire ou défaite? Bon. Semaine spéciale. Trop aimable. Ça vient de me venir. Allô? Allô? Ouais, attends 2 secondes, je te reprends. Hein. Je suis en train de décortiquer ma gambasse, attends. Allô, ouais, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, alors je te rappelais comme on avait prévu de s'appeler pour... Ah putain, attends 2 secondes, je te reprends. Hein. Tu te rappelles, c'était urgent, on devait se rappeler pour l'histoire. Quelle histoire? Bah tu... Attends, mais je pense que tu m'entends pas bien. Attends 2 secondes, hein, je te reprends. 2 secondes, hein, j'arrive. Attends, 2 secondes. Ouais, on s'était eu la semaine dernière. Non, pas... Allô? Oui, attends 2 secondes, hein? 2 secondes, je te reprends. Ouais, tu m'avais demandé de te reprendre, enfin de te rappeler. C'est qui? Bah tu sais bien, attends, 2 secondes, hein, je te reprends. Parce que là, je sais pas pourquoi, ça bug. Je pense que tu m'entends pas bien, attends 2 secondes, hein, je te reprends. Tabarnak. Ouais, tabarnak, tu m'entends? Deux fois que t'appelles. Là, arrêtez d'appeler ici. Mais attends, mais on devait se rappeler, tu te souviens pas? Attends, 2 secondes, hein, je te reprends. 2 secondes, hein. Quam. 1 minute 02. T'as eu de la chatte, hein, quand même, hein. Tabernacle. Oui, oh la vache, quelle chance. Bon, c'était le bien joué avec le coup de la gambasse et tout. Merci. C'est pas mal. Le doux drôle. Oh non. Ah bah si. Bah après, baisse pas les bras, le doux drôle. Il y a moyen de faire mieux, hein. Je vais essayer. Bah oui, évidemment. Bon, t'es prêt? Ouais. Très bien. Allez hop, vas-y, ma gueule, à ton tour. C'est parti. Mauvaise chance et joyeux Noël. Pendant que notre traiteur avec son costard de Noël vient de rentrer dans le studio. Allez, Christophe. La vidéo est sur Instagram et Facebook. Hein. Et Mickaël officiel, vous pouvez aller voir. C'est dramatique. Allez, c'est parti. Oui, allô. Allô. Ouais, ouais. Le kit passe, c'est important. Deux secondes, je te reprends. J'ai un problème de réseau. Allô. Allô. Oui, c'est super important. C'est super important. Deux secondes, je te reprends. Ah bah voilà. Bon. Allô. Ça n'a pas été très long. Sorry, baby. Et bah voilà, c'est déjà terminé. Oh. Ah oui. Une défaite, Ruslan, alias le drôle. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Eh oui, un échec cuisant. Ouais, c'est pas grave. C'est l'échec de Noël. C'est pas grave. Oui, c'est l'échec de Noël. Ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Oui, bien sûr. Mais oui, sans aucun doute. Ne prends pas quelqu'un d'imbattable à l'avenir. Bah, ça arrête sera ton plus cinéma. Facile. Non, tu reviendras l'année prochaine. Oh là là. Voilà, ben, l'année prochaine, exactement. C'est une Je crois que c'est le pull qui lui donne cette ouais. puissance. Ouais, ça doit être ça. Ça doit ce être ça. Ce fameux pull. Bon, bah salut le doux drôle. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez. Ça arrive, hein. Ça arrive. C'est comme ça. Bon. On fera d'autres jeux tout à l'heure. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous, d'ailleurs, on peut faire ainsi un maman comment tu m'as fait qu'est-ce qu'on peut faire. On peut pas faire un spécial Noël. Je sais pas. On un maman comment un... tu m'as Noël. Ouais, on peut faire un jeu, genre mettez le feu à votre sapin, envoyez une vidéo, tu c'est vois. Drôle, comme ça. Ah, mais c'est drôle ça. On incite les gens à brûler les sapins. Bravo, Amina. Ça va, je mais rigole. Il est complètement bravo, mais attends, mais c'est pas possible cette question. On a combien de verres de champagne là. Non, mais Mickaël m'a dit, écoute, ce soir faut faire le buzz. Donc... Mais quoi. Tu la meuf qui invente des trucs. Ce mot, en plus. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Le buzz. Non, mais je rêve. Je vais faire le buzz. Non, mais incroyable. C'est fou ça quand même. Bon bref. Bon, tout ça pour dire que je sais pas moi. Bon bref, si vous voulez faire un jeu, le chéri, je peux te faire cocu, un des jeux qu'on fait d'habitude, ou un canular classique, hein, vous pouvez piéger la personne de votre choix. N'hésitez pas ce soir à nous appeler 01 40 71 5000. En plus, il y a des AirPods de chez Apple à gagner, il y a des PS4 Pro à gagner également. Bref, il y a de quoi faire. Donc je vous invite, vous êtes les bienvenus. 01 40 71 5000. On écoute Ariana Grande maintenant sur Énergie. On revient avec Jordan, avec Lucas également, et puis avec vous en direct. On est là jusqu'à minuit ce soir en ce réveillon de Noël. Joyeuse fête. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Go make that shit last. God forbid something happens. At least this song is a smash.

on n'a qu'une envie, c'est d'être ce jour-là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Faites Noël sur Énergie. Tous les soirs. Dès 20h. Bon, vous le savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le double hit DJ Snake que vous allez peut-être entendre tout à l'heure avant minuit, qui va vous permettre de repartir avec l'enceinte connectée, justement, grâce au double hit. Dès que vous entendez le double hit avec les deux titres de DJ Snake, vous êtes le premier à appeler au 3937 et vous gagnez donc l'enceinte connectée Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps, comme tout le monde, hein, puisque sur les enceintes connectées, Énergie est number one. Vous êtes les plus nombreux à écouter Énergie et ça, ça fait plaisir. Donc si vous voulez continuer d'ailleurs à le faire, vous êtes les bienvenus. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'enceinte connectée, eh bien voilà une bonne idée pour choper, pour avoir la vôtre. Exactement. Dès que vous entendez deux titres de DJ Snake enchaînés, ça peut se passer maintenant, ça peut se passer n'importe quand dans la journée, que les choses soient claires. Vous appelez le 3937 et vous serez régalé pour Noël. D'ailleurs, je vous dis ça, je vous dis rien, mais bon, vous le savez, Noël c'est une fête familiale, donc ce n'est pas le jour où il y a le plus d'audience, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. Ça veut dire que c'est pas le soir où il y a des millions et des millions d'auditeurs qui écoutent. Vous voyez, parce qu'il y en a plein qui passent Noël en famille, tout ça, on n'écoute pas forcément la radio. Là. Non, tu veux dire qu'il y a plus de chances de gagner. Exactement. Wow. Bien vu, Colombo. Ah non. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez jouer, vous aurez plus de chances de gagner maintenant que dans la semaine, par exemple. Ah oui, voilà, bah oui. Je dis ça, je ne dis rien. Jackie, ah, bon réveillon, joyeux Noël à tous, ne laissez pas vos proches seuls, pensez à fleurir vos morts et surtout prenez pas le volant avec de l'alcool, j'aimerais bien continuer à me prendre la tête avec les mêmes enculés cette année. Et bah donc, qu'est-ce qui se passe, Jackie? Un message de paix, d'amour et d'amitié? Mais toujours, mais Jackie ça est alors. Toujours plein d'amour. Et Johnny oui. Lacalotte qui dit tout le monde parle de réveillon, c'est le réveillon, je travaille moi, je suis jamais au courant de rien. Ah, ah bah ouais, mais nous aussi, regarde, on est là d'ailleurs. Bon, ouais, Jordan. Vous nous avez pas prévenu, hein. Exact. Jordan est avec nous. Allô Jordan. Ouais. Bon, allô, allô. Salut, re-salut Jordan. Juste pour info, petite parenthèse, je vous ai posté la vidéo du cadeau que j'ai offert à l'équipe sur Facebook également, donc sur MIKL officiel. Et Polo est vraiment heureux. Ouais, non, ouais. Il a le seum. Écoute, et en tout cas, je suis content parce que Amina et Tof, eux, sont ravis parce qu'ils portent encore le cadeau que je leur ai offert. Bien sûr, mais on se contente de peu, nous. Mais je vois, mais c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Et donc, vous comment pouvez aller voir l'augmentation. Voilà, bah ouais. Vous pouvez, l'année prochaine. Ah. Vous pourrez aller voir ça sur même maintenant d'ailleurs. La photo est sur Instagram, Facebook et Twitter. Oh. Voilà. Et puis sinon, il y a la vidéo qui est disponible également. C'est une blague la photo, sur nous Facebook trois. Facebook, Instagram, Mickaël officiel. Oh. Oh, ah non mais elle est grave. Franchement, c'est vraiment mais la cassosserie. Bah, franchement, quoi. Moi je vous trouve beau. Hein. Oh, c'est gênant. Mais la tête d'Amina. Ah ouais, mais moi. On dirait le Grinch. On dirait que c'est le plus beau jour de ma life, quoi. Non mais je rêve. Mais moi je suis très heureux de ce cadeau qu'il m'a fait Mickaël. Eh bien je te remercie Christophe. Eh bien pour la peine tu prendras une victoire. Merci je Mickaël. Rêve. Quoi? Bah tu sais pourquoi tu te félicites pas? Puisque Mickaël a toujours raison. Mais moi, mais bah oui, c'est pas moi, c'est Jean Lassus, c'est Tof qui a chaque fois là. Oui, Mickaël, tu as raison, oui. Ouais, bah oui, mais il a raison pour une fois. Voilà, c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Eh bien, je te remercie. Bon, Jordan, raconte-nous un petit peu là, qu'est-ce qui se passe? Tu nous appelles pourquoi? Parce que en fait, bah j'ai ma copine qui m'a quitté il y a une semaine et demie. Et en fait, je le vis super mal, quoi. Mais comment, en fait, elle t'a plaqué il y a un an et demi? Une semaine et demie. Ah, une semaine et demie. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Non, parce qu'il y a un an et demi, je me dis, putain, le mec, il est long à s'en remettre. Mais, d'accord, ah ouais, il y a un an et demi. Ouais. Et en fait, ça a coupé parce qu'on s'entendait plus du tout, tu vois. On rentrait, on se prenait la tête. Dès qu'on disait quelque chose, on se prenait la tête, on n'était pas d'accord. Et du coup, elle a préféré partir, quoi, mais... Bah, ce qui en soi paraît logique, si vous vous embrouillez oui, tout le temps, bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que le projet bébé, il était en route. Là, aujourd'hui, si elle m'entend, elle est au courant que les fiançailles, en fait, ils avaient programmé aussi. Donc, c'est très compliqué, en fait. Pour moi, ça tombe à une mauvaise période de l'année. Et là, c'est Noël et c'est très, très compliqué. Oui, non, mais d'accord, Jordan, mais c'est... Si, regarde, je t'expliquais. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aviez prévu de faire un bébé et en plus vous aviez prévu de vous fiancer que si ça va plus, il faut continuer à le faire. Au contraire, heureusement qu'elle l'a fait avant d'être enceinte et avant d'avoir un bébé. Après, vous allez vous séparer, alors ça peut arriver évidemment. Mais bon, il vaut quand même mieux s'en rendre compte avant tout ça que trop tard. Ouais. Ouais, mais là c'est la période, je pense, qui fait chier, quoi. Une semaine et demie avant Noël, enfin tu vois, ça fait toujours un peu bizarre. Bon, encore pire que genre en plein mois de mars, quoi. Bon, il fait mauvais, quoi. Non mais d'accord, enfin bon. Non mais genre moi j'ai un pote qui a prévu de larguer sa meuf demain. Oh le bâtard. Ça fait deux semaines qu'il a prémédité le truc. Malheur, c'est vraiment un idiot. Mais non, mais parce qu'en fait, il a raison. Que... Comme ça, moi, il a eu un beau cadeau. Lui, il a fait un cadeau de merde parce qu'il sait que c'est la fin. Ah, ouais, peut-être. Ouais. Puis comme ça, ouais. Non, c'est parce qu'en fait, il a peur qu'elle passe, enfin, qu'elle vrille ou qu'elle fasse de la merde ou quoi. Ouais, ah, bah, ouais. Il est parti. Et donc, du coup, il s'est dit, si jamais je lui dis le 25, elle va partir en famille le lendemain et elle aura le temps de digérer le truc. Ah, bah oui, et puis comme ça, au moins, toute la famille va avoir le jour de Noël niqué parce que elle va chialer, la pauvre. Ouais, puis surtout, alors, comment ça va avec ton chéri? Bah, voilà. Génial, il s'est barré ce matin. Bah oui, non, mais c'est vrai, mais enfin, c'est un peu. Ouais, et puis il va trouver une meilleure, peut-être il va avoir un beau cadeau, trouver une meuf qui va kiffer, quoi. Ouais, mais ça se fait pas, tu largues pas ta meuf le 25. Lui, il me dit, genre, c'est la meilleure chose à faire parce que comme ça, elle sera pas toute seule après la rupture, elle sera avec ses parents, genre. Non, moi je pense que c'est toujours mieux d'attendre le premier, comme ça elle commence bien l'année, tu vois, sans toi. Ouais. Ouais, écoute, bon après je sais pas, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles bien précises, hein, mais bon, évitez. Si, il y a une règle, pas Noël, pas les anniversaires et pas un enterrement, enfin tu vois. Pas un enterrement ? Pendant l'enterrement, c'est mais génial. Comment tu peux penser à ça ? Mais non, mais comment ça, pas un enterrement ? Oui, Saint-Valentin, ce que tu m'aurais dit, pas Noël, pas anniversaire, pas Saint-Valentin, ok ? Pas Noël, pas anniversaire, pas un enterrement ? Mais non. Mais jamais, en réalité, c'est jamais le bon moment. Oui, mais c'est encore pire. Je sais pas, t'imagines, t'es en train d'enterrer genre quelqu'un ou quoi, et puis là, en plus, tu te fais têche le même jour, ouais, t'es un peu dégoûté, mais quoi. Tu sais quoi, t'attends qu'il y a sa série là, de Netflix préférée, la nouvelle saison, elle va kiffer. Voilà tu elle va ça, chialer devant et elle après, va on en parle taper plus. Ton truc. Ouais, c'est une idée, ouais. Bon, Jordan, attends, on t'a récupéré, ça avait coupé. Bon, et attends, il y a Guillaume qui voulait aussi donner son avis. Salut, Guillaume. Salut. Ça va ? Ça marche, l'appli ? Ça va, merci. Bon, très bien, bienvenue Guillaume. Alors, tu voulais réagir à Jordan, toi, c'est ça ? Je voulais réagir par rapport à Jordan, et puis moi, en fait, je me suis séparé d'avec ma conjointe au mois d'octobre, et je ne l'ai pas encore annoncé à ma famille, que je vois demain pour Noël. Ah oui. Bah... Ouais, mais c'est le bon moment, ils seront tous là, au moins, toi, tu pourras le dire qu'une fois. Ouais, oui, tu fais, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, elle viendra plus. Et je vous emmerde, et tu te barres. T'es censé te ramener avec elle, en fait, c'est ça ? Tu tapes la table. Je suis censé me ramener avec elle, ouais. Oh merde. Bah, moi, en fait, c'est encore plus compliqué. C'est que moi, ma famille, ils sont au courant. Et le problème, c'est que ma mère, quand elle a appris ça, elle a pleuré. Mon père, c'est comme si c'était sa fille. Et mes sœurs, elles me disent exactement la même chose qu'elle me dit, elle. Laisse-lui du temps et elle va revenir. Ça, c'est. Ouais, après, mais là, tu sais pas. Parler, en général, le laisse-lui du temps, elle va revenir. C'est bon, bah, on va lui dire ça parce qu'on n'a pas d'autre chose à dire. Et oui, ça peut arriver, bien sûr que ça peut arriver, mais. Après, ça dépend de ce qui s'est passé, quoi. Bon, attends, bouge pas, en fait, Guillaume et Jordan, bougez pas, les amis, là. Je vais vous reprendre dans un instant. Si vous êtes une fille, vous avez un avis à donner là-dessus, n'hésitez pas. 01 40 71 5000. Tain, juste à ce moment-là, je vois Amina qui met dans le standard un auditeur qui veut nous parler de rater sa dinde. J'ai mis quel rapport. Non, mais. Mais c'est Noël. Non mais j'entends bien. Mais comme on parlait de Guillaume et de Jordan, je me dis bon alors bah, comment une pizza et puis non, on ça n'a rien à voir. Quelqu'un bah, a foiré sa dinde. Oui, on va en parler. Je vois ça. Eh ben, on va en parler. Vous êtes, en plus vous êtes vous avez fait appel à la bonne adresse. Nous avons un traiteur qui est avec nous ce soir. Bien sûr, je vous donne des bons conseils dinde. Voilà, si vous avez raté votre comment dinde. Comment fourrer la dinde. Voilà, comment fourrer la dinde. Toff est là évidemment pour donner tous les conseils possibles. On se fait les appels bienveillants dans un instant et puis Polo, Toff ou Amina feront les cadeaux. C'est moi. Allez, juste après George Ezra sur Energy. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Bienvenue à tous, c'est Mickaël sur Energy. Dans un instant, le son de Soprano. Il y aura Prince Carva également, vous en direct comme chaque soir. 01 40 71 5000. Bonne fête et joyeux Noël sur Energy. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Mickaël sur Energy, dès 20h. Voilà, tous les soirs on est là, tranquille. Hein, si vous voulez parler avec nous, bon bah voilà, vous savez comment ça fonctionne. 01 40 71 5000. Bon, 22h28, Tof, on va se faire les appels bienveillants. Bah bien sûr. Et bah bien sûr, bah très bien, hop là, c'est parti. Appel bienveillant que nous allons faire tout de suite grâce au numéro que vous envoyez comme chaque soir sur toph@energie.com. Et bien nous allons pouvoir annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle donc, c'est selon un sondage, il y aurait une augmentation des conceptions d'enfants le jour de Noël, ainsi qu'un pic de fréquentation sur les sites porno. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport. C'est dû à quoi? En tout cas on l'a pas trouvé. Bah écoute, je ne sais pas, je sais pas. Donc Tof, tu vas annoncer la bonne nouvelle malgré tout? Bah oui, on va essayer. Allez, on y va, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. Allez hop, on y va, c'est parti. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez prévu de faire l'amour pour Noël. Attends, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis enceinte de 6 mois. Oui. Tu vois? Donc tu peux le dire à toute la radio de la France. À toute la radio de la France? J'ai pas compris. Oui. Je peux le dire à la radio. Allô? Allô? Oui, allô? Ça va? Oui, ça va, et vous? Ça va bien, Tof? Bah oui, ça va. Cool. Bon, bah on se souhaite une bonne soirée, on se fait les poutous. Vas-y, pas de soucis. Allez, bisous, bisous. Bisous. Bon, et ben voilà. Hein, et joyeux Noël. Et joyeux Noël, exactement. En tout cas, elle est enceinte de 6 mois. Bah bravo à elle, hein, à la radio de toute la France. Au moins, comme ça, c'est dit. Bon, on appelle un autre. Bah oui, allons-y. Allez, hop, c'est parti, on y va. Toujours grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, toph@energie.com. On y retourne. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu de faire l'amour ce soir, monsieur? Comment? Est-ce que vous avez prévu de faire l'amour ce soir, monsieur? C'est qui là? C'est Tof, monsieur. Quoi? Non, non, je dis c'est Tof. Mon nom c'est Tof. C'est qui? Tof. Bon, je m'appelle Tof, monsieur. Ouais, mais je m'en fous, mais c'est qui? Bah, Tof, monsieur, je viens de vous le dire. Si vous me demandez c'est qui, je vous dis c'est Tof. Donc, Tof, c'est moi, monsieur. Enfin, c'est logique. D'accord, ensuite, après. Bah en fait, je voulais juste savoir si vous aviez prévu de faire l'amour avec votre femme ce soir, monsieur. D'accord, ensuite. Bah ensuite, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Salut. Bah non, parce que là, ça répond pas à la question, monsieur. D'accord, mais c'est qui, là? Bah Tof, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Non, mais j'ai pas envie d'insulter bêtement. Juste, dis-moi, t'es qui? Bah Tof, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Enfin, je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez que Tof, je vous dise de plus? Je connais pas Tof. Non, on se connaît pas, monsieur, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé. Comment? Non, je dis, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé. J'ai rien compris. Je dis, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé. D'accord, et comment t'as eu mon numéro? 118-218, monsieur, toutou youtou. Ah. Voilà. Bref, c'est qui? Bah Tof, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. D'accord, bon voilà. Vas-y, ciao. Bah non, monsieur, pas de ciao, j'étais obligé de vous rappeler. Ah bah oui, je veux rappeler. Bah oui, on est obligé. Bon, bah évidemment qu'on est obligé, on le rappelle, c'est parti. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. C'est qui là? Bah, Tof, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Enfin, je comprends pas. C'est pas parce que vous le demandez plusieurs fois que je vais vous dire que je m'appelle Robert, je m'appelle Tof, monsieur. Cette voix me dit quelque chose. Vas-y, continue à en parler. Eh ben, en fait, moi, je veux juste savoir, monsieur, si ce soir, vous avez prévu de mettre une cartouche à madame, c'est tout. Pour fêter Noël. Je vais baiser ta mère, déjà. Commence à bien parler, ensuite. Bah, pourquoi vous voulez baiser ma mère, juste monsieur? Juste pour commencer. Juste pour commencer. Je commence pas à jouer avec mes nerfs. Bah, je joue pas avec vos nerfs, monsieur. Je vous pose juste une question. Vous y répondez. Après, on souhaite une bonne soirée. On se fait des poutous. C'est qui? Bah, Toff, monsieur. J'arrête pas de vous le dire. Ta mère alors, je comprends pas comment ça t'insulter bêtement, gratuitement. Tu veux pas dire c'est qui? Bah si, je vous le dis monsieur, je suis Toff, T-O-P-H. Enfin c'est clair quand même. Rien de me rappeler, allez ciao. Bah oui mais répondez à la question monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Ah bah oui mais bon il est relou là. Bah oui parce que là on est obligé de le rappeler. Ah bah on est obligé de le rappeler, je te confirme. Bon on rappelle, allez hop là. Oh là là. Lourdeur quand tu nous tiens. Bon alors. Oui, monsieur, pourquoi vous voulez pas répondre à la question? Enfin, vous me dites oui, vous me dites non, après on n'en parle plus. Allô? Eh ben, il en veut pas. Eh ben, il veut pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va pas aller forcer, on n'est pas comme ça, nous. Hein. Bon, on en appellera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez des numéros de téléphone? Tant mieux. Vous pouvez les envoyer sur donc toph@energie.com. Dans un instant, le retour de Guillaume, donc, qui voulait aussi nous parler d'une séparation. Il y a Dimitri qui voulait réagir à ce que Jordan avait dit à propos de la séparation également. Et Mathilde qui a largué son mec juste avant Noël. Eh ben, ça, c'est bon, Mathilde. On va en parler dans un instant. Le temps d'écouter le son de Let Up Bitches. C'est le Prince Karma qu'on écoute maintenant, on est sur Énergie. Soyez les bienvenus, 01 40 71 5000, passez de bonnes fêtes également. On est là même pour le réveillon de Noël en direct depuis 20h sur Énergie. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. bienvenue sur Énergie. Dans un instant, Angel et le son de DJ Snake. Sera-t-il suivi par un autre DJ Snake? Les décorations se sont installées sur la ville. Habillée de son vêtement d'hiver, la ville est en fête. La magie de Noël. Le bonheur d'être réunis. Profite du moment présent. Mickaël, Toff, Polo et Amina vous souhaitent de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Sur Énergie, dès 20h. Voilà, pour nous appeler donc 01 40 71 5000 dans un instant, les cadeaux de Noël que nous allons échanger. Dans un instant, je rappelle qu'entre temps, vous pouvez aller voir les cadeaux que Polo a offert à l'équipe, que j'ai offert à l'équipe. Ouais. Il y a ça en vidéo sur Facebook et sur Instagram. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur MIKL officiel, bien sûr. D'ailleurs, les prochains cadeaux, c'est Amina qui offrira ces cadeaux à l'équipe. Nous ferons ça d'ici une petite dizaine de minutes. En attendant, nous récupérons donc Guillaume. T'es toujours là, Guillaume? Ouais, toujours là. Très bien. Donc Guillaume qui nous avait appelé pour réagir à Jordan, qui lui-même nous avait dit au début que il était en séparation depuis une semaine et demie avec sa meuf, que c'était un petit peu compliqué, tout ça, tout ça. Et Guillaume, tu voulais dire quoi, toi? Je sais plus où on en était avec toi d'ailleurs. Excuse-moi. Moi, en fait, je voulais dire que j'étais séparé de ma conjointe depuis le mois d'octobre. Ouais. Et que je l'ai toujours pas annoncé à ma famille et que je dois l'annoncer demain. Ah oui, c'est vrai, juste. Ah, ça craint, ça, quand même. Un peu, ouais. Mais ça fait 11 ans qu'on était ensemble, donc c'est très, très compliqué. Et ouais, quand ça date... Quand, foulée, ouais. Hein. Vous avez des enfants et tout ou pas, Guillaume? Non, on n'a pas d'enfants. Bon. C'est déjà ça. Et rassure-moi, tes parents et toute ta famille kiffent ta meuf plus que toi, quasi, non? Non, je pense pas qu'il a kiffé plus que moi, mais bon, elle s'entendait bien avec tout le monde et ma grand-mère... Bah, disons qu'après 11 ans, elle fait partie de la famille, quoi. Bah, elle ouais, dit, bah ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, la grand-mère? Ma grand-mère m'avait dit, elle est pas mal celle-ci, garde-la. Et voilà, fais un effort. Peur de la décevoir, en fait. Oui, bah mais non, ouais, mais ça, la famille c'est toujours ça. Moi, ma mère, elle kiffait genre mon ex et tout. Et en fait, quand on s'est séparés, elle m'a dit. Elle a même kiffé Toff, elle a cru un moment qu'ils sortaient ensemble, mais c'est une erreur. Mais... Et en fait, quand on s'est séparés, j'avais trop peur de lui annoncer. Et elle m'a dit, franchement, t'as fait une bonne chose et tout, parce qu'il avait l'air un peu bête. Oh là là. Non, mais c'est vrai. De toute façon, quoi qu'il arrive, Guillaume et tous les autres, sont pas restés avec quelqu'un juste parce que votre famille l'a mis. Si ça va plus, ça va plus. C'est pas elle qui sort avec. Voilà. Après, voilà, c'est pas une séparation voulue de ma part. On s'est séparés parce qu'on n'avait plus rien en commun. Nos boulots nous prenaient énormément de temps. Moi, je suis souvent à l'étranger pour mon boulot. Donc, finalement, on se voyait très rarement. Je pense que c'est la cause numéro une. Mais après, ma famille m'avait mis en garde en me disant « T'as accepté ce boulot, fais gaffe à ce qui peut arriver. » C'est quoi le boulot? Alors, en fait, je suis éducateur sportif et j'ai un poste d'entraîneur national à l'heure actuelle. Donc, je pars souvent en compétition internationale, en stage nationaux. Donc, c'est... Ah. Bah après, tu... Enfin, ouais... T'es occupé à faire un truc, Guillaume, là? Ah, c'est des chiottes. Là, en fait, je suis au volant, tranquille. Ah, je croyais que t'étais aux chiottes, j'ai entendu le bruit, je me dis putain, ça y est, c'est les toilettes. Bon. Non, moi, je suis au volant. Ah merde, j'allais prendre Mathilde. Elle s'est barrée, Mathilde, ou bah, ça on va la rappeler. Attends, ouais. On va la rappeler dans un instant, ouais. Je voulais avoir l'avis de Mathilde qui a, elle, viré son mec pendant la Noël, donc justement, je sais pas si c'était le soir. Pendant de la Noël. Non, mais pendant les fêtes de Noël, je veux dire. Mais non, mais. C'est beau, ce mot qui est d'un étranger, hein. Bravo. C'est ça, c'est le fond de cette personne. C'était qu'il est mauvais, tu as un mauvais fond, c'est une honte. C'est vraiment. Hein. Ça va. Non, ça va pas. Bon, okay. Mathilde est avec nous. Allô, Mathilde, bonsoir. Qui souffre. Exactement. Ça va bien? Ça va, ça. Est-ce que tu peux couper ta radio, Mathilde? Ma radio est coupée. Ah bah non. Ah là oui. Ah oui, là maintenant oui. Très bien. Bon, Mathilde, sois la bienvenue. T'as 21 ans, t'appelles de Bordeaux. Qu'est-ce que tu fais ce soir, dis-moi? Avec mon père et ma sœur. Avec ton père et ta sœur, d'accord, ok, très bien. Et ton mec, il est où? Bah, du coup, pas là. Ah, il est pas là. Bah, oui, forcément, oui. Bah, oui. Parce que forcément. C'est le principe qu'on tèche quelqu'un. Alors, explique. Non, mais ça aurait pu être une ancienne histoire. Ah, oui. Là, c'est une nouvelle. Bon, Mathilde, alors, raconte un peu l'histoire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, on a fait tout très vite. On s'est mis en appartement rapidement ensemble. Et du coup, rapidement, beaucoup d'embrouilles. Bah, tout s'est fait rapidement, quoi. C'est ça. Quand vous couchez ensemble aussi, c'était rapide ou pas? Faites attention, vous avez risqué la conversion rapide. Ah oui. Non, comme tous, ils se convertissent tous à la dernière minute. Là. Oh. Non, mais c'est une phrase qui revient souvent, c'est assez marrant. Moi, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et donc Mathilde, vas-y. Vous avez gâché Noël. Du coup, à un moment donné, saturation, c'est possible. Trop de jalousie, trop de possessivité, tu peux plus sortir, tu peux rien faire. Donc tu pars, tu fuis, tu t'en vas. Même ouais. À contre-cœur. Donc le conseil que je pourrais lui donner, ce serait surtout de la laisser respirer, parce que plus il va être sur elle, plus elle va vouloir fuir, quoi. C'est pas la solution du tout. Oui, on t'écoute. Ouais. Je crois que t'avais encore un truc à dire, c'est pour ça. Ben non, du coup après,

C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Bienvenue sur Énergie, toutes les nuits on est là à partir de 23h pendant la semaine évidemment et pendant l'année. Sauf que cette semaine on a décidé de faire 20h minuit pour remplacer Aymeric et puis en plus on est même là aussi tranquillement. Ce soir, réveillon de Noël en direct sur Énergie. Mais où passer les fêtes? C'est compliqué. Alors on réfléchit aux meilleurs endroits. En famille, avec les amis. À la maison, dans un resto. Pour bien s'amuser et bien kiffer. Les fêtes avec Mickaël, Tof, Polo et Amina. Sur Énergie, dès 20h. Et sur oui. Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Bon, alors, vous êtes prêts? Attention, c'est Amina, c'est pas celui qui offre les cadeaux. Donc, autant vous dire qu'on est hashtag high level. Ah, bah oui, là, c'est chaud cadeau, voilà. Cadeau. Moi, Amina, je pense qu'elle l'a fait avec bon cœur, mais ça va être des cadeaux de merde. Tu vois, elle l'a choisi, elle est vraiment heureuse. Elle dit putain, ça va voilà. Bon, je rappelle que cette vidéo est également disponible sur, en live sur MIKL officiel sur Instagram. Et quelques minutes après, ce sera disponible sur Facebook. MIKL officiel également d'ailleurs. Alors, depuis tout à l'heure, on s'est échangé les cadeaux. Polo a commencé à 20h45 à peu près. Moi, je l'ai fait il y a une heure. Et maintenant, c'est au tour d'Amina. Et je rappelle au passage d'ailleurs que les vidéos des cadeaux de Polo et les miens sont toujours disponibles sur Facebook et sur Instagram, donc sur MIKL officiel. Alors, est-ce que Amina, vous avez été sage cette année, les enfants? Oui. Non. Bon, on va commencer avec. Alors, Tof, il y a eu un problème d'emballage, mais ouais, bon, oui, bref, c'est, bien, le, ouais. C'est le geste. Hein, ah oui, évidemment. C'est le geste. Oui, tu vas pas garder l'emballage. Oui, c'est, on s'en fout c'est de l'emballage. C'est le geste qui ne compte pas ce soir. Oh. Pourquoi il doit s'énerver? Parce que je ne sais pas te dire. Je suis sûr que t'as le plus beau cadeau en plus. Je suis sûr que c'est lui qui a le plus beau cadeau. T'as vu comme t'es rageux? Jaloux, mais. C'est bien. C'est grave. Quand même. C'est pas de la jalousie, connard. C'est pour l'aider au travail. Ah, trop bien. L'horreur. Par contre, et j'annonce, tous les jours, vous aurez une blague. Non. Jusqu'à la fin. 365 blagues. Jusqu'à la fin du carnet, vous aurez une blague tous les jours. Putain, avec un peu de chance, on sera viré. On commence demain. Commence le premier, hein. Le premier quoi? Janvier. Comme ça, on fait 365 jours. Alors, un homme se promène au bord d'un lac quand tout à coup, il voit quelqu'un qui se débat dans l'eau en criant help, help. Alors il lui répond: idiot, t'aurais mieux fait d'apprendre l'anglais à nager qu'apprendre l'anglais. C'est nul. En plus, il se trompe. Demain. Demain, une autre blague. Génial. Merci Amina, tu viens de tuer l'émission. J'espère que t'es consciente de ça. Et comme je n'ai pas réussi à me décider, du coup, j'avais trouvé un deuxième cadeau pour toi. Générosité. Oui, je n'ai pas réussi à choisir. Fais-nous la blague sur la chaise. Eh ben non, je peux pas aller. C'est demain. C'est demain. C'est une blague par jour, on a dit. Ou alors après minuit. Ah, ben parfait. C'est quoi? Eh bien. Non, ben c'est quoi? J'ai un slip. Un mini soccer game. Mais c'est parce que je t'ai mis tellement ta race, Amina, à ce jeu là que bon, j'avais joué avec Tof quelques fois et il n'a pas réussi à me battre. Donc bon. Il est déjà monté là, faut le monter. Je sais pas. Regarde. Ah bah très bien, comme ça je peux t'en remettre une race ce soir, Amina. Attention, Amina offre un cadeau à Polo. Je rappelle que c'est toujours filmé sur MIKL officiel sur Instagram. Et Tof qui déballe hein, son kicker. Non, c'est bon, on peut jouer tout de suite. Ah bah génial. Voilà, qui veut faire. Oh putain, non mais c'est une blague. De quoi? Il a reçu un livre. Alors le livre, c'est écrit par Jean-Pierre BDI et Christelle Bertrand, qui s'appelle La Macronie ou le nouveau monde au pouvoir. Les hommes. Alors sous-titre, les hommes d'Emmanuel Macron. comme je sais que tu t'intéresses beaucoup à j'aime ce courant. J'aime beaucoup Manu, je t'embrasse. Oh, putain. N'oublie pas de me pistonner. Et mais tu sais que c'est pas vrai. Bah, c'est comme gift. Oh là là. C'est parfait, c'est, en plus c'est hyper pratique. Oh, à jouer une alliance, mais ça se fait une pas alliance. Oh, une tasse. Pourquoi faire. Ah. Oh, et l'autre il défonce. Mais non, mais c'est du carton ça. C'est quoi? Aujourd'hui je vais être gentil. Merci pour le mug. Ah, c'est un mug. Voilà, ça c'est des cadeaux, tu vois. C'est pas ta merde de t-shirt. Bah attends, tu charries ou quoi là? Il est jamais content de toute façon. C'est grave, hein. C'est fou ça quand même. Merci beaucoup. Alors. Et bravo pour l'emballage. Ah. Vous allez voir, il y a un message. J'ai très peur du message. Non, non, vous inquiétez pas. Je regarde. Mais ça va. N'aie pas peur, Mickaël, ça ne va pas t'attaquer. Ça ne mord pas. Oh, oh là là. Un bloc-notes. Mais lis ce qu'il y a écrit dessus. Bloc du patron, c'est moi qui commande. Et après, il y a écrit quoi? Certifié authentique dans sa tête. Un bloc-notes. Tous les jours, t'as des citations, genre, ouais, regardez patron, mes comptes. C'est moi qui commande des pizzas. Génial, deuxième citation. Bienvenue au travaillant mon nouveau parc d'attractions. Ça fait tout de même quelque chose d'être tout en haut. Allez, ça va. Je suis patron, faut que j'arrête les blagounettes. Ah bah t'as. Une blague. Je dois travailler jours, mon autorité naturelle. Elle est contente, hein? Non, mais ça m'a fait beaucoup rire. T'as jamais de feuilles. À chaque fois, je passe ma vie à acheter des cahiers pour toi. Maintenant, t'as ton bloc du patron. Voilà, t'as ton bloc à toi. Ah, je te jure. Et attends, il est archi beau. En plus, ingratitude. Non, mais c'est grave quand même. Ingratitude 2000. De toute façon, c'est toi qui dois le garder. Pourquoi? Bah, c'est toi qui mets les notes. Oui, non, mais c'est toi le patron, c'est pas moi. Bon, j'ai un deuxième cadeau pour vous. Ah! Voilà. Oh, c'est lourd. Oui, bah oui, oui. Ça casse? Comme cette émission. Non. Enfin, ah bon. Normalement, non. Je sais pas, je demande, hein. Non, pour alors, le coup, attends, c'est un vrai cadeau. Tomber. Juste, non, je voulais faire une petite parenthèse. Amina, c'est là qu'on voit que c'est une vraie meuf de cadeaux et de cadeaux de Noël. C'est-à-dire qu'elle a mis un petit marque pour enlever le prix. Bah oui, quand même. Non, mais oui, mais c'est bien, c'est beau. Ça attends, veut dire que c'est pas important. Qu'est-ce que c'est que ce je sais que t'es fan et que tu n'oublieras oui, jamais ces dates. C'est dégueulasse, c'est des bonbons. Je t'ai offert alors déjà les chewing-gums. Mais non. Ah, c'est chewing gum. Bah oui, c'est les boules, regarde devant là. Non, c'est les boules. Ah, c'est bon ça. Voilà. Je les préfère plus gros, mais bon. Mais c'est un truc de ouf, votre pote. Il est jamais content. Je me suis galéré pour les trouver, tes putains de chewing gum. Ah, c'est une galère, hein. Bah oui. C'est une galère, normalement tu vas aller aux US pour trouver ça. Voilà, et bah je les ai trouvés. Mais bah écoute, mais non, putain, c'est gentil. Mais je les préfère plus gros. Et regardez la suite, comme je sais que t'étais très heureux cet été. Champion du monde, l'agenda calendrier 2019, merci les Bleus. Et les Français, c'est champion du monde. Comme ça, qu'est-ce que tu veux que je vous foute avec ça, hein. Voilà. Ah, on est champions, Michel. Pourquoi t'as le belge? J'ai pas le belge. Ça veut dire le somme. Non, c'est l'équipe de France toute l'année. Putain, génial. Tu pourras penser à Deschamps et tout toute l'année. Eh bah écoute. Ramener la coupe à la maison, hein, Mickaël. Il va pouvoir ramener le calendrier. Eh bah voilà. Tu vois, tu pourras. Bon, au moins une vidéo de paix d'amour et d'amitié, voilà. Ouais, bon, voilà. Voilà, un couple qui s'embrasse. Oh, c'est mignon. C'est choupinou. Merci, Amina. Avec plaisir. Eh bah, merci beaucoup. Là, tu pourras casser la démarche comme Samuel Umtiti. Ah là là. Ton équipe préférée. Bon, heureusement, j'ai mes chewing-gums. Bah voilà. Ah bah ça fait plaisir. Attends, mais le mec, je lui offre un super carnet. Et franchement, aucun. Mais non, mais le carnet, tu vas pouvoir le remplir toi. Donc, c'est toi qui me remplis les notes. C'est ça. Ouais. Bah oui, quand il y a des cadeaux. Quand tu penses, du moins. Oui, quand j'y pense, parce qu'en général, je suis d'une incapacité. Exactement, je n'osais le dire. Bon, merci beaucoup. Dans moins d'une heure, Christophe qui nous offre ses cadeaux. Avec plaisir. La bon, vidéo ça sera pas aussi bien, j'annonce. Hein. Ah bah super. La vidéo donc est sur Instagram, Mickaël officiel en live, et je vais vous la poster dans un instant sur Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram. Pareil sur Mickaël officiel. Bon, bah ouais. Ça, ben, nous allons prendre Charlie Gals dans un instant, Guillaume, ouais. Et on va s'écouter le son de. Taki-taki. Est-ce DJ Snake? Peut-être. S'il y a un deuxième DJ Snake, c'est le double 8, 3937. Vous nous appelez pour gagner les enceintes connectées. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, taki taki. Tienes un besito o un aquí. Booty explota como Nagasaki. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se

double hit de DJ Snake sur Énergie. L'heure d'appeler au 3937 pour choper votre enceinte connectée. Une fête, du bonheur, des jouets, des décos, un sapin, un Père Noël, des lutins, une crèche, un prénom, des cadeaux, une bûche et une dinde. N'importe quoi, Jean Michetot là. Noël sur Énergie, c'est avec Mickaël. Dès 20h. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, Mickaël officiel. Et voilà, enceinte connectée Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps. Énergie qui est la première radio sur les enceintes connectées, entre autres, évidemment. Donc si vous voulez choper la vôtre, il fallait attendre le double hit qui vient de passer d'ailleurs, de double hit de DJ Snake. Ça peut se passer tout au long de la semaine, n'importe quand, dans n'importe quelle émission. Donc si vous voulez tenter votre chance, dès que ça passe, 39, 37, vous nous appelez. Là c'est trop tard, je pense. Amina, c'est trop tard, hein. C'est déjà plié là, on a déjà quelqu'un en 39, 37. On fait tirer le sort dans 3 secondes. D'accord, enfin je veux dire, c'est plus la peine d'appeler quoi. En gros, oui. Voilà, bon voilà, vous perdez pas votre temps. On va donc prendre quelqu'un dans quelques instants. Ne bougez pas de là. On va également se faire les appels bienveillants. Ça, ce sera dans 30 minutes. Peut-être un canular. Nous verrons si on a le temps. Et puis, Guillaume, donc, qui s'est séparé de sa meuf. Il a pas annoncé à sa famille. Et il doit débarquer demain avec elle. Guillaume, t'es toujours là, hein? Ouais, je suis toujours là. Très bien. Juste un détail. Tu l'as pas annoncé à ta famille, mais tu l'as déjà annoncé à ta meuf. Oui, ça, c'est elle qui me l'a annoncé. Ah, c'est elle qui t'a viré. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais enfin bon, après, si c'est elle qui t'a viré, ma foi, tu peux passer pour la victime, hein. Ouais, hein, peut-être, mais bon, c'est la réaction qui me fait le plus peur, en fait. Bah oui, mais bon, écoute, si c'est pas... Tu vois, encore, tu pourrais avoir peur de la réaction de ta famille si toi, tu l'avais viré. D'ailleurs, je fais une parenthèse, merci à Polo pour mon deuxième cadeau de Noël. Un Coca Zéro. Bon appétit. Bah, c'est bien, déjà. Bah oui. Mais tu me cueilles rien ? Bah bien sûr. Excusez-moi si je rote. Oh, quel enfer. Ah, mais ça veut dire que t'as bien mangé. Je préfère prévenir. Non, je n'ai pas mangé, justement, parce que toi, nous a commenté à bouffer, parce que pour les mois, nous avons quelques petits problèmes de culinaire avec le repas de Noël. Oui, le... des problèmes d'élégance, de goût, etc. Voilà, donc toi, nous a commandé un truc qui n'a jamais été livré, donc bon, bah du coup, on mangera demain. C'est pas très grave, hein. Pour une fois, c'est pas sa faute, hein, mais bon. C'est, bah oui, c'est le livreur qui s'est foutu de notre gueule ou le resto, je sais pas, bon, bref. Et donc, du coup, Guillaume, oui, voilà, c'est ce que je disais. Si encore ta famille surkiffait ta copine et que toi, tu la vires, parce que t'en as rencontré une autre ou pour n'importe quelle raison, bon bah voilà, je peux comprendre que tu sois un peu emmerdé, etc. Mais là, elle t'a viré, qu'est-ce que tu veux faire? Elle t'a viré pourquoi? Parce que t'as été voir une autre, ou elle t'a viré pour quelle raison? Non, elle m'a... En fait, c'est mon boulot qui me prenait de plus en plus de temps. Ma famille m'avait mis en garde par rapport à ne pas prendre ce poste-là parce que ça allait jouer mon couple, hein. Mais je les ai pas écoutés et finalement, bah, j'en paye les conséquences, hein. Bon bah oui, bah écoute, malheureusement là, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Tu peux éventuellement dire qu'elle est malade et puis tu leur annonces le jour après. Ouais, ça peut être une éventualité. Bah écoute, de toute façon je vois que ça, si tu veux pas leur annoncer un jour de fête, un jour de Noël, tout ça machin, tu peux leur annoncer ça. Gâcher la fête. Et bah la gâche pas, du coup. Bah après ouais, tu leur dis voilà, elle est un peu malade. Ouais, mais c'est encore pire, toute la soirée ils vont faire que prendre de ses nouvelles. Mais non, tu dis que ça se passe pas bien entre vous et qu'en ce moment ça se passe pas bien et puis qu'elle veut pas, elle a pas voulu venir et voilà, et puis le lendemain tu dis bon voilà, elle est partie ou dans deux jours, voilà. Ouais. Oui, ça dépend. Ouais, moi j'aurais dit direct, écoute, c'est terminé comme ça, personne n'arrête d'en parler. Enfin, tu vois, les gens ils vont pas te poser des questions pendant deux jours, quoi. Ça, voilà, ça c'est terminé, savoir. Je veux plus en parler et basta. Ah bah t'es pas venu avec comment elle s'appelle, Guillaume? Camille. Bah t'es pas venu avec Camille. Tu sais, ils vont faire le tour, tous les invités à un moment ou à l'autre. Eh ben elle est où Camille? Oh bah c'est pas vrai, c'est fini. Oh, elle était tellement gentille, vous alliez tellement bien ensemble. Ça aurait été mieux avec Camille. Ah bah oui. Ouais, et Camille, et Camille, et Camille, et Camille, et Camille, et Camille. Et Camille. Camille, toutes les versions, hein. Ouais. Bah ouais. Ils sont un peu compréhensifs. Normalement, les gens, voilà, ils savent que c'est une rupture, ils arrêtent d'en parler, quoi. Ouais, mais le problème, c'est comme ils sont tous persuadés qu'ils seront les seuls et uniques à parler de ça. Oui, non, c'est ils vont sûr, tous ouais. arriver. Et puis t'as la grand-mère. Hey Camille, elle n'est pas venue, Camille. On t'avait hein prévenu. Comment ça, c'est fini? Non, mais après, c'est un repas de famille. C'est pas non plus un gala de charité, tu vois, au MoMA ou je sais pas quoi. Ils sont pas 70 non plus. Et Roger. Camille l'a viré. Comment? Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai en plus. Ça va être comme ça, hein. Enfin je le souhaite pas, hein, c'est pas la question, mais Non. Ça risque quand même. Bah non, je sais bien, mais bon, et malgré tout, il y a pourtant des chances que, enfin des chances façon de parler, que ce soit ça qui te pendonnait, hein. Moi je dois annoncer direct. Bah, c'est clair. Ouais, bah après tu l'annonces direct et puis l'affaire. Voilà. Tu te fais un petit badge avec voilà, Camille ne viendra pas. Ouais, c'est une idée, ouais. Non, ou alors, c'est de la jamais. Merde, mais non, tu leur dis, ou alors tu te lèves, tu vois là. Tu portes un toast. voilà, sois un homme, sois courageux. Tu leur dis, voilà, je me suis séparé de Camille, je ne veux pas en entendre parler, voilà, basta. Tu dis qu'elle t'a trompé, que c'est une salope. Ouais, voilà. Invente au pire, ouais, non, pour être sûr qu'ils n'en parlent plus, tu vois. Il y a trop de respect pour elle quand même pour dire ça. Ouais, enfin, trop de respect, je te rappelle qu'elle t'a dégagé. Hein. Comme une merde. Exactement. Oh. Ouais, mais bon. D'ailleurs, je prends, pas, je voilà. cite à la page 39 de mon livre La Macronie. cadeau d'Amina pour Polo, donc. C'est le nouveau truc de citation. Non, je plaisante. Voilà, voilà, mais non, mais fais ce que tu veux. Ok, ouais. Écoute, après, ouais, surtout, oui. t'envoies un texto si t'as peur. Sur le chemin, t'envoies un texto groupé. Genre, tu fais un groupe WhatsApp avec toute la famille. Je ne suis plus avec Camille, j'arrive dans 5 minutes, merci de ne pas m'en parler. Voilà, la bonne ambiance. Mais... Bon, attends-toi ouais, à ce qu'il t'en parle quand même. Ouais, ça peut être une idée, effectivement. Parler, ouais. mais... Bon, attends, il y a Dimitri qui est avec nous également. Salut Dimitri. Attends deux secondes, Dimitri, bouge pas, Guillaume aussi. On a le gagnant du double hit, on va l'appeler. Attends deux secondes, là, bougez pas, Guillaume et Dimitri. Et on va faire un petit canular aussi dans quelques instants avec Sabrina. Allô. Allô Alexis. Oui. Salut Alexis. Salut. Ça va. Salut. Merry ça va Christmas. Oui, mais évidemment. T'as entendu le double hit de DJ Snake. Yes, merci beaucoup. Eh ben voilà. Merci. Mais je t'en prie, t'as gagné l'enceinte connectée Amazon Echo. Tu pourras écouter Énergie tout le temps, tout simplement. Ça eh bien, félicitations, joyeux Noël, bravo à toi. Merci. Ça m'égaye mon Noël. J'ai le Noël le plus pourri. Oh c'est, merde. C'est, super. C'est vrai. Ah je putain. Merci beaucoup. Mais écoute, pourquoi c'est pour Ave, ouais. Parce que là, je sors du boulot, je suis en plein divorce. Ah merde. Seul, et voilà, c'est moche quoi. Oh, ça ira mieux l'année prochaine. T'as plus de meuf, mais t'as une enceinte. Vous avez gagné mon Noël. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'elle parle. Tu pourras parler avec ton enceinte maintenant. C'est ça, ouais. Bonjour enceinte. Oui, bonjour. Non, super cool, ça fait bon, vachement plaisir. Eh ben, c'est toujours ça de gagner. Écoute, merci à toi, Alexis, en tout cas. Tu nous rappelles quand tu veux. Ça marche, merci beaucoup. Salut bon Alexis, bisous. À bientôt. Ciao. Et dans un instant, on va donc récupérer Guillaume, Charlingales également et Dimitri qui voulaient donner leurs avis sur la séparation. Et puis on va faire le canular aussi avec Sabrina dans un instant. Mais avant cela, ça c'est effet de Noël. Le son de Paniquette de Disco sur Énergie. Bienvenue à vous. Mama said, don't give up, it's a little